Mesdames, messieurs, vous êtes dans la toute dernière de Jadoul en direct. Je vous souhaite la bienvenue. On va partir pour une très grosse émission. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus du voyage. Vous êtes sur Ular FM. Je vous souhaite la bienvenue. On peut lancer le générique si vous voulez bien. Cet été, on ne vous offre pas deux, mais 10 heures de Jadoul par semaine. Jadoul, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ular FM. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct sur Ular FM, la radio de vos humoristes préférés qui est là en direct maintenant. Alors on a un poil de retard, c'est parce que pour la dernière il fallait évidemment qu'on ait un problème technique, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, on nous a changé nos mots de passe dans le studio, donc du coup on n'avait pas moyen de démarrer la console, mais c'est pas grave, maintenant tout est démarré. Comme ça je peux vous présenter le plus beau, le grand, le magnifique, celui qui fait sa deuxième ce soir et sa dernière malheureusement. Vu sa dernière de la saison, voici Johan. Mais c'est le meilleur pour la fin, bonsoir Jadoul. Comment ça va? Très bien et vous? Ça va très très bien, je suis très content. Alors on est déchaîné, je vous le dis, j'ai jamais été autant agité. Ça va être une émission. Une émission, on ne sait pas dans quel sens elle va partir, étant donné que c'est la dernière. On n'a plus de contrat, on n'a plus de compte à rendre à personne et on peut aller dans tous les sens. Donc on va pas être des salauds, on va pas non plus dire des conneries à l'antenne, n'est-ce pas? Oui, on y croit. On va pas faire des happenings qui vont partir dans tous les sens, c'est pas mon genre. Non, pas du tout. La dernière que j'avais fait, c'était la dernière de quoi que j'avais fait l'an passé. C'était la dernière de la saison de Cher, une émission que je présente sur le web depuis 4 ans. Bon, c'était calme. C'était calme. Il y avait juste un petit peu de tarte à la crème, des ballons remplis de farine. Mais ça allait, quoi. C'était calme. C'était dans mon style, quoi. Ça va, Johan? Non, j'ai peur pour mes amis, justement. T'as peur, mais faut pas, ici, tu t'inquiètes non. Pas. Regarde, est-ce que tu vois des choses dangereuses autour de toi? Oui, vous. Et vous aurez noté, contrairement à avant-hier, aujourd'hui, il me vous voit. Je pense qu'il y a une marque de respect qui s'installe, dans le sens où il n'a pas trop envie que je le... vire, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur Ular FM. Vous êtes dans Jadoul, votre émission qui est là de 20h à 22h. C'est la dernière de la semaine. On est complètement déchaînés. Et pour nous contacter, Johan, tu connais le numéro de téléphone par cœur? Bien sûr que non. Bah alors, on va l'écouter, c'est parti. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Voilà, donc c'est le numéro à noter chez vous si vous voulez nous appeler en direct. On vous prend à l'antenne, il n'y a aucun souci là-dessus. Et Johan n'est pas le standardiste, il est juste là en tant que campeur. Et... tu veux nous faire un barbecue? Il n'est pas dans ton coffre. Non, il n'y est plus. Quand il... L'autre jour, j'étais pas venu en vélo à la radio, car c'est récent, oui, je fais un petit peu de vélo pour l'instant. J'étais venu, je sais plus comment, quelqu'un d'autre m'a amené ici au studio. Et alors, il était venu en voiture, alors du coup, il m'a proposé de me ramener chez moi. Et... Non, tu m'as forcé à te ramener chez toi. Je t'ai dit gentiment, écoute, si tu passes par là... Je suis tout seul. Alors du coup, il me raccompagne, alors je monte dans sa voiture et je dis, c'est pas un barbecue à l'arrière de ta voiture? Dis si, ok, d'accord, pas de soucis. Oh là là, c'est juste dingue. Voilà, donc si vous avez des barbecues dans votre coffre, appelez-nous. Non, j'espère qu'on vous accompagne. Voilà, vous êtes peut-être dans la voiture pour rentrer chez vous. Merci, c'est mon téléphone qui est pas du tout en silencieux. Ça vient du direct. Je reçois un message en direct de Terence Bernard, qui est un membre de l'équipe de Jadoul. Il me dit, c'est aujourd'hui la radio? Mais oui, c'est la dernière. Oh là là, il est doué. Et on l'appelle peut-être en live? Ce serait peut-être plus simple, comme ça on va lui dire un petit peu nos quatre vérités. Ah, c'est la dernière. Non, je rigole, on n'est pas comme ça. Ou peut-être un peu. Allez, je vais aller voir avec lui. Au moins qu'on l'appelle, qu'il puisse dire au revoir sur cette dernière, parce que je sais pas s'il aura temps de venir jusque dans cette émission. Enfin, comme d'habitude, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, en gros, tu lâches tout, toi. Oui, je lâche tout. T'as déjà fait une émission avec Terence, toi? Non, jamais. Pas dans cette émission, non? Non. Enfin, dans aucune émission, d'ailleurs. Allez, j'espère que ça va sonner. Ouais, ça sonne, en tout cas. On l'appelle via un moyen très moderne qui s'appelle Snapchat. Et je pense que je devrais remballer mon téléphone en mode, bon, bah tant pis. Ce qui est le cas. C'est pas grave. Allez, on le rappellera dans quelques instants et on va voir pour la suite de l'émission avec les news de la semaine. Il n'y a pas de souci, on a beaucoup de choses à voir. La fête du jour, on va vous en parler dans quelques instants. On va appeler toutes les personnes qui ont leur fête aujourd'hui en Belgique et peut-être en France, même si on est en forme. Et comme ça, on va pouvoir se marrer. Ça te va, ça, ce programme ? Oui, ça a l'air très alléchant. D'accord, c'est bien. Alors je vous rappelle, hein, au cas où, si jamais il y a un excès de problèmes d'orthophonie dans cette émission, on a mis en place une petite alerte que voici, je vous la fais écouter. Et comme ça, dès que vous entendez ce signal, ça veut dire qu'il est temps qu'on appelle un orthophoniste. Tiens, on va en appeler un d'ailleurs dans la suite de cette émission, tant que ça on y est. Et on va, je pense que c'est comme les avocats, on peut leur téléphoner pour avoir juste un conseil gratuit. J'espère. Bah, t'as déjà été voir des orthophonistes ? Non, jamais. C'est ça donc, ça explique tout. Ouais, il manque quelque chose. Il manque quoi ? L'intelligence déjà. Oh, mais non. Non, mais non. Je suis sûr que c'est le plus intelligent dans ce studio. Oh, bah oui. Merci. On n'est que deux, du coup c'est facile. Je te remercie. Ça, c'est... Alors là, je te dis, j'avais pas de meilleure chute pour ce début d'émission. Je te remercie, c'est très gentil. Je m'en prends plein la gueule durant cette émission, ça va être très très long. Je vous souhaite une très belle soirée, vous êtes écoute de l'émission d'aujourd'hui. Orthophoniste, bonjour. Je vous souhaite une belle soirée, vous êtes dans Jadoul. Synapson à l'instant sur Ilar FM, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je trouve que c'est un des titres assez frais de la journée. Et de la journée, de la nuit aussi, si on l'écoute la nuit. Non mais en tout cas, je viens d'avoir un message de Terence Bernard. Il a complètement oublié que c'était aujourd'hui la dernière de l'émission. Alors il va arriver d'ici quelques instants. Donc on va lui donner la place de Flora qui n'a pas encore été nettoyée depuis avant-hier. Étant donné que, je rappelle pour tous ceux qui étaient là jeudi, on lui a versé une canette de Fanta sur le pantalon, ce qui fait que ça colle un peu par terre et j'ai complètement oublié de prévenir une équipe pour nettoyer. Donc ça fait que ça colle un peu par terre. Et comme Johan a pris l'autre place pour ne pas aller là où ça colle, bah c'est malheureusement lui qui devra se taper la place où ça colle. Et là il est en train d'être très content, Johan. Moi je jubile. Je jubile. J'adore. Hier j'ai eu la bière, je veux pas le Fanta aujourd'hui. Oui. Oh, faut que je vous raconte. Bon d'abord le jingle. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Hier, j'étais au bureau jusqu'à 20h, ensuite j'ai été un petit peu me défouler durant 2h, et ensuite à 22h, j'ai été rejoindre les 10 000 personnes qu'il y avait dans la ville à Arlon, étant donné que j'étais dans la province de Luxembourg, et donc j'ai été rejoindre mon ami Johan qui était là-bas et qui était avec ses amis, et il m'a dit: ah, salut Thomas, ça va? Oui, ça va. Est-ce que je fais le connard ou pas? Je dis non, c'est mieux que non. Pourquoi? Ah, parce que hop là, il verse en fait un huitième de sa bière sur la tête de la fille qui est avec lui. Et donc du coup, elle, ah, c'est sympa ça. Elle prend son verre, elle lui verse tout le verre de bière à la gueule. Donc du coup, Johan, dégoulinant de bière, a séché comme ça toute la soirée. Et donc du coup, il avait du gel gratuit et oui, les mouches qui se collaient après ses cheveux. Entre autres. Ou les vigiles qui faisaient une tête en me fouillant. Ouais, parce que les vigiles, parce qu'on se fait fouiller à chaque fois qu'on passe quelque part dans cette ville avec tout le monde qu'il y a. Alors les vigiles devaient palper Johan. Mais le problème, c'est que lui... Les garçons puants et collants, ah bah ça ne les attire pas. Mais je pense que personne ne les attire. Mais c'est vrai que là, ils ont dû mettre des gants. Enfin bref, c'était pas très sympa. Mais j'ai dit, attends, je passe d'abord avant toi, comme ça... Oui, c'est bon, j'ai compris. Alerte orthophoniste, c'est gentil, merci. De rien. Alors je dis, je passe avant toi parce qu'au cas où s'ils ont les mains qui collent après. Enfin voilà, comme ça vous savez un petit peu tout ce qui se passe dans nos vies. Mais sinon voilà, si vous avez suivi le match hier, dites-le nous, c'était complètement dingue ce match des Belges. Les deux. Les Belges ont fait combien? 2-1. 2-1, voilà, donc j'étais pas loin. Donc 2-1 contre le Brésil, et au moins on verra plus Neymar, comme ça c'est fait, on est tranquille. Ouais, j'en ai marre de lui. Ouais, d'accord. Je pense que ça vaut même pas une alerte orthophoniste, ça vaut cette alerte-là. Une mauvaise vanne a été faite dans l'émission Jadoul. Si vous êtes confronté à l'individu, appelez le plus 32 49 9 15 75. Voilà, donc l'alerte est faite. Si vous avez des gens qui sont concernés par les problèmes de Johan, bah dites-le nous. Et donc voilà, Neymar, j'en pouvais plus. Je vous le dis, je suis pas fan de foot en particulier, mais c'est vrai que Il y a des choses que je ne supporte pas. Et à un moment, c'est marrant parce que Johan, il adore les gens qui klaxonnent dans la rue. Les gens qui klaxonnent, ouais, on a gagné, c'est génial. Et d'un coup, il ne les supportait plus. Alors, il était, dès qu'il y avait une voiture qui passait en klaxonnant, il était là, il n'en pouvait plus. C'était des... Ta gueule. Trop sympa. Enfin voilà, moi aussi j'ai eu mon lot de conneries puisque j'étais en train de menacer les gens de démonter leurs klaxons s'ils arrêtaient pas. Donc c'était pas mieux. Allez, voilà, vous savez tout et donc dites-nous un petit peu comment vous avez vécu le match d'hier au plus 32 49 9 4 75. Moi j'ai suivi celui de la France, j'étais comme un dingue. J'étais là, allez plus loin. Mais ce qui va me faire mal au cœur, c'est que la France va jouer contre la Belgique. Et ça j'ai pas envie. Mais pourtant il le faut. Mais il le faut, oui. On n'aura pas le choix. On va avoir des nouvelles dans quelques instants de Terence qui va arriver. Et il me demande quelque chose que je ne vais pas dire à l'antenne. J'ai fait tout un teasing à l'antenne, mais c'est pour rien. Ce qu'on va faire dans quelques instants, c'est qu'on va se faire le jeu des 5 mots. Mais d'abord, comme d'habitude, voici la cassette de Jadoul, surtout que je répare mon casque. Allez-vous deviner le son de la semaine ? C'est la cassette de Jadoul. Qui ne connaît pas le principe de la cassette de Jadoul ? Levez la main. Ne lève pas la main. Non, donc explique aux téléspectateurs, nos auditeurs, quel est le principe de cette cassette ? En gros, tu passes un son et on doit retrouver l'artiste. Tout simplement. C'est magnifique. Mmh. Quel talent. Est-ce que tu peux même la lancer, la cassette ? Voici la cassette de Jadoul. Et c'est celle d'hier. Non, c'est celle-là. Non, c'est aucune des... C'est pas du tout... Bob Sinclair. Ouais, non, ça c'était avant-hier. Non, avant-avant-hier. Je vais avoir la cassette du jour, vous inquiétez pas, c'est qu'une question de réglage. Voilà, la cassette du 5, c'est parti. Non, c'est celle d'hier. Voilà, maintenant qu'on a fait deviner hier, avant-hier, celle de... Je m'y retrouve plus. Écoutez, on va aller boire un coup, on va reprendre ces séquences. On va aller prendre cette séquence dans quelques instants. Je vous explique, en fait, il fait exactement 30 degrés 1. Tu peux débrancher ton micro à l'antenne, Johan, je t'en prie. Non, il est tombé sur moi. Il s'appuie sur le pied, alors le pied est parti avec et du coup il s'est débranché. Oh là là, il faut vraiment qu'on aille boire un coup. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on arrête tout là. Nous, on va aller boire un coup. On vous laisse avec de la musique un petit peu, ça nous fera pas de mal. Il y a Johan qui est en train de faire en mode paravent. Prends de l'air. Ouais, voilà. Ce qu'on va faire, voilà, on va s'écouter un peu de musique parce que là on est au bout du rouleau, c'est plus possible. Et voilà, j'ai eu beaucoup de retours sur les musiques que j'avais fait là l'autre jour en mode chanté pour l'avant-dernière. Là, vous pouvez juste la réécouter, c'était dingue. Il n'y avait pas que celle-là, il y en avait encore d'autres. Par exemple, on avait parodié The Final Countdown avec... c'était quoi déjà ? The Final Jadoul, voilà, ça s'appelle comme ça dans mon cartoucheur. C'est dingue. Ouais, au bout j'étais plus trop bien, mais ça allait. Je pense que les auditeurs ont laissé un petit message par rapport à ça, on les écoute. Non, c'est gentil, merci beaucoup. Je vous demande de vous arrêter. Je l'ai pas celui-là. Je m'en fous. Eh ben, je lance une alerte. Si on revient à la saison prochaine, je demande qu'il y ait ce son-là dans mon cartoucheur. C'est la condition. Voilà, comme je sais pas si on sera là la saison prochaine, je lance juste cet appel-là. C'est ma seule requête. Et motivating. Un meilleur salaire. Bon. C'est la dernière, il lâche tout, il lâche le dossier. Bienvenue du temps, il a RFM. Chez il a RFM. Allez, Mais quoi, je suis désolé. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Merci beaucoup. Bon, on va s'écouter de la musique, on va aller boire un coup. Évidemment, pas de choses alcoolisées, puisque l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je me suis entraîné durant 24 heures pour dire cette phrase correctement, étant donné que l'autre jour, j'ai dit quand même que celui qui ne boit pas, c'est celui qui ne conduit pas. Donc, je vais peut-être pas le redire une deuxième fois, mais... Je vais le dire. Sûrement que dans le flux ça va aller, je vais le dire encore une fois, ça va être dans encore la galère. Dans le flux. Dans le flux de la bière, oui, ça va aller. Écoute, on n'est pas numéro 1 pour rien, hein. Je vais te le dire. Si le samedi on est là avec vous en direct, c'est parce que vous aimez cet esprit d'approximation. Et donc c'est ça que vous aimez. Johan, on se quitte pas? Bien sûr que non. Allez, on se retrouve dans quelques instants, toujours sur Hilar FM, nous sommes en direct. Vous êtes en direct ici sur Hilar FM, j'espère que vous passez une très belle soirée à notre écoute. Et alors là, il s'est passé un truc de dingue, j'ai juste grillé une énorme surprise de la part de la radio. Je suis allé en bas nous chercher à boire pour moi et Johan, et alors je me suis rendu compte qu'ils avaient préparé un gâteau pour moi, ils l'ont mis dans le frigo. Ah, génial. Et alors du coup j'ai grillé la surprise. Attends, il y a juste Terence qui vient de nous rejoindre en direct, ça va? Salut, ça va. Là, j'active ton micro en direct, je fais alors, les réglages. Je recommence, salut, ça va. Voilà, ok, parfait. Et il y a toujours Johan avec nous. Salut, ça va. Il nous fait le salut. Le mec qui a donc un peu un recopieur quand même. Je recherche une femme. Salut. Comment vas-tu? C'est vraiment ce bonjour-là. Bon, ce que je vous propose de faire, c'est que comme ici on est entre nous et que tout se passe bien, vous êtes toujours sur Hilar FM, déjà, c'est une bonne chose. Hilar, c'est bien le nom. Je suis d'accord. Et surtout, maintenant, le jingle comme d'habitude. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Hilar FM. Toute l'équipe est complètement déchaînée ce soir. On est en très très grande forme, je vous préviens. Et surtout que Terence, c'est un petit peu la surprise du jour. Ouais. Étant donné que je me suis dit, il va pas arriver. Et vu que j'étais venu totalement à hasard, parce que j'étais justement en voiture et tu m'as dit, ah ben en fait, il y a l'émission. Ah ben oui, bah, je vais passer. Ben, je vais passer. Du coup, ben j'ai pas pris le matos pour la surprise, donc on va me l'envoyer par mail et donc ça sera plutôt vers la fin. On se connectera, voilà. Ouais. Ok, pas de souci. Ça c'est la technologie, c'est la NASA ici. Bon, c'est parfait. Au moins t'arrives pile à temps, c'est la dernière de la saison. Juste, je peux te poser une question qui n'a plus rien à voir. Le gâteau, c'était pourquoi? Parce que ça me perturbe depuis tout à l'heure. C'est pour la dernière. Ah, je pensais que c'était pour ton anniversaire. Je me suis dit merde, j'ai oublié. Non, ça c'est le 15 décembre. Ah, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est en avance. C'est... Ouais, voilà. Oui, on va dire que c'est pas l'avance. Mais oui. Bon, le gâteau a le temps de pourrir 6 fois, mais c'est pas grave. Allez, pour rappel, on a la cassette de Jadoul et cette fois-ci, on va tenter de la faire correctement. Est-ce que tu m'en autorises, Johan? Bah toujours. Alors c'est parti. Sans se tromper. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Et donc, comme je le disais, voici la cassette d'avant-hier. C'est celle de jeudi, si je me trompe pas dans le comptage des jours. Je suis un peu déboussolé, c'est normal, c'est la dernière. Allez, on s'écoute, c'est parti et je vous donne la réponse juste après. On fait le tirage au sort dans les SMS. C'est parti. Voilà, donc c'est la cassette du jour. Enfin non, c'est la cassette justement de jeudi. Vous me perturbez, vous, il n'y a pas moyen. Alors, voilà, ça c'était la cassette. Donc je vous propose justement de nous... Ben même pas, je pense qu'on n'a même pas le temps de faire le tirage au sort. Donc c'est parti. J'arriverai pas, tu me perturbes, c'est ta tête. C'est ta tête. C'est ta tête. Alors, c'est ta tête. Je suis propre, je ne colle pas, je ne suis propre. Mais c'est vrai, t'es propre aujourd'hui. Oui. Ce qui est rare, notez-le chez vous. Non, c'est parti, on fait le tirage au sort parmi les bonnes réponses. Avez-vous deviné l'artiste qu'on voulait vous faire deviner jeudi? C'est parti. On lance la recherche. Ça ralentit. 5, 4, 3, 2, 1. Il n'y a plus de... Non, il n'y a aucun SMS qui a tiré la bonne réponse. Pourtant, c'était simple comme tout. Je pensais que justement que là, on allait avoir 2000 SMS. Rebalance ce qu'on devait deviner la dernière fois. Non, Gilbert Montagné, pas maintenant. On va voir si c'est facile pour nous aussi. Non, j'ai dit Gilbert Montagné. Sans la salle de la radio. Non, mais il a pris mes lunettes de soleil. Il va faire une photo avec, sauf que je vais les récupérer juste avant. Non, il va faire une photo quand même avant. On dirait pas un peu Maître Gims comme ça. Non, mais on dirait surtout que c'est les miennes. Et qu'on est à l'antenne, donc t'as pas à aller sur Snap maintenant. On va écouter le titre en entier maintenant qu'il n'y a eu aucun gagnant et que voilà, vous n'avez pas trouvé. Et on va s'écouter la nouvelle cassette là maintenant, tout de suite, après la musique, histoire de. Il saoule la gueule. Beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec cette séquence. Je pense que c'est ça le problème. C'est peut-être parce que tu dis cassette et qu'il n'y a plus personne qui utilise des cassettes en 2018. Oui, mais c'est le principe de la séquence, Terence. Hein? Parce que, en fait, le but c'est que le son paraisse dégueulasse, alors du coup on dit que c'est la cassette. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Dans ce cas-là, prends des vinyles. Oui, il y en a aussi qui ont des vinyles. C'est dit, arrêtez la cassette! On va y arriver, ça va aller. Ouh, j'ai beaucoup de mal avec ces gens-là. On dirait les gosses que j'anime, tu sais. Oui, mais monsieur, c'est pas un ballon, ça, c'est une petite balle. Monsieur, non, c'est pas comme ça qu'on... Tais-toi, laisse-moi faire mon animation, bordel de merde. Les jolies colonies de vacances. Ça va aller. Donc voilà, c'était qui l'artiste là qu'on a entendu, allez-y. Bruno Mars. C'est celui qui vient du Maghreb. C'est Bruno Mars. C'est celui qui vient de Mars. Non, d'accord, ok. Comment il s'est arrêté d'un coup? C'est pas grave, on s'écoute tout de suite. Vous êtes sur la RFM, nous sommes en direct, je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'être là, vous êtes pour la dernière de Jadoul. Toujours en direct dans Jadoul, j'espère que votre soirée se passe bien de votre côté, si vous êtes dans la voiture, si vous êtes chez vous tranquillement ou si vous nous écoutez dans un lieu improbable, un seul moyen de nous montrer comment vous écoutez la radio, vous nous envoyez une petite photo sur les réseaux sociaux, que ce soit en story Snapchat ou sur le compte Snap d'Hilar FM ou le mien, peu importe. On aime bien voir où, dans quelle situation vous nous écoutez et à chaque fois je fais un petit screen comme ça je les garde, ça fait un petit album personnel. Allez, Johan, toujours en forme? Toujours déchaîné? Ouais, t'as pas trop l'air hein. Non si mais je te dis, je suis un diesel moi. À la fin je suis parti. Voilà, ça commence progressivement. C'est comme en soirée, tu sais, quand tu commences la soirée et c'est seulement vers la fin que tu commences à danser que t'as plus envie de partir. Voilà, et c'est à ce moment là que tu pars. Voilà, exactement. Voilà, allez, on se met un petit jingle. Même en été, Hilar FM vous fait rire toutes les vacances. C'est bien vrai, car maintenant on va passer tout de suite aux actualités complètement insolites de la semaine. Étant donné que nous sommes samedi, on fait un petit peu le débrief, c'est parti. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Alors vous intéressez, je sais pas, en tout cas c'est bien parti. Alors au Royaume-Uni, Siri donne l'ordre à Terence Bernard de lâcher son téléphone portable durant l'émission. Aux États-Unis, sérieux? Non, mais je te demanderai de le lâcher. Attends, j'envoie juste deux smileys, attends, voilà. Justement. Voilà, c'est bon, c'est fait. Ok, j'ai envoyé des smileys qui pleurent. Prochaine étape, je confisque. Royaume-Uni, Siri s'active en plein discours du secrétaire d'État de la Défense. Donc tout simplement, il était en train de faire son discours et d'un coup il y a Siri qui se met à causer. Mais pas genre Siri au fond de la poche qu'on n'entend pas beaucoup. C'est Siri qui gueule dans tout le truc et qui se fait amplifier par le micro du Sénat. Ça m'est déjà arrivé pendant un spectacle de danse quand j'étais tout petit. T'as le télé, ouais, t'as Siri qui commence à s'enclencher pendant que la musique passe en plein milieu. On a dû arrêter. Ah oui, d'accord. Ah, parce que c'était le téléphone qui donnait la musique. Pardon? C'était le téléphone qui était branché pour la musique. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, c'est génial. Je pense même pas que si... Je pense que c'était quelqu'un qui a voulu regarder le temps qui restait et puis il a appuyé trop longtemps et il y a Siri qui s'est... Moi, je sais pas en fait si je peux faire fonctionner Siri comme ça en branchant directement le téléphone à la console. Est-ce que je suis beau, Siri? Je ne suis pas du genre à m'attarder sur l'apparence extérieure. Genre, nos deux Siri ont parlé en même temps? C'est dingue. C'est dingue. Ils ont parlé en même temps. C'est magnifique. Et donc, c'est-à-dire que t'as encore pris ton téléphone portable. Oui. Mais attends, tu te rends compte de ce qui vient de se passer et puis toi, tu me dis juste, t'as pris ton téléphone. Les deux Siri, ils ont parlé en même temps. Ça veut dire qu'il y a deux Siri. C'est quelque chose. Moi, je pensais que c'était un seul mec. Je suis super déçu. Je pensais qu'il me parlait là, comme ça. Bienvenue chez Hilar FM. C'est un accent de Maghreb. Mais décidément, aujourd'hui, c'est couscous parti. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah là. J'ai la balle et ma bouche et c'est parti. C'est un accent maghrébin, ça. Ah, pour la dernière, on met le cerise sur le gâteau, mais on le jette sur le gâteau, tu vois. Et là, c'est la bombe pour le gâteau. Il y a vraiment le gâteau en bas dans le frigo. D'ailleurs, c'est quand qu'on va le chercher? Moi, j'ai super faim. Ah, mais c'est pas là, pour je suis venu comme ça en impro, là, je devais manger. D'accord, très bien. Eh ben, alors, ce que je vous dis, c'est que voilà, ça s'est déclenché en plein discours au moment où il fallait. Oui, moi, ça m'est arrivé une seule fois. C'était durant. Pendant une émission, je me rappelle. Ah oui. D'enchères. Le téléphone avait compris dit Siri alors que c'était pas du tout le délire. Oui. Oui, c'était super drôle. Alors le machin, il s'est déclenché. Bon, bah, il n'y a ça pas de souci. C'est vrai que c'était assez dingue. Voilà. Mais voilà, bon, bah, ça arrive, hein, c'est des choses. C'est des aléas du direct, on va dire ça comme ça. Toujours au Maghreb Toujours. Ah, ça va alors. C'est la merguez. Merguez partie. En fait, vous avez les mêmes. mêmes chansons le même, comment on dit, vous écoutez les mêmes chansons de merde en fait vous deux. Bah, c'est pas parce qu'on les connaît qu'on les écoute. Oui, voilà. Désolé, mais Merguez Party, c'est le genre de chanson que c'est genre, mais c'est genre en fin de soirée dans les mariages, voilà, quand tout le monde est alcoolisé. Je t'assure que Thomas, dès qu'il met une musique, c'est ce genre de musique tout le temps, tout le temps. Mais oui, mais c'est souvent le tonton alcoolisé qui est en fin de soirée, qui est sur les tables. Mais non, mais c'est normal. Qui te radicalise. C'est des classiques qui servent. De la chanson française, bien sûr que oui. C'est juste que comme je fréquente que Terrence dans les émissions et qu'on a jamais, on s'est jamais vu en dehors, et ben il pense que c'est mon répertoire. C'est mais pas ouais, grave. Mais en fait, oui, totalement. Voilà, t'as raison. Donc ça s'appelle un cliché. Bah vas-y, viens, on fait une petite sortie comme ça, on apprend à se connaître. Ah. Voilà. Y a pas de souci. Y a pas de souci. C'est très inquiétant. Mais ce serait cool en fait de faire une soirée. Ce serait cool de faire une soirée avec tout le monde de la radio, des émissions et tout, non? Tout TMS petite... Prod. Sinon, ouais, on peut vous laisser. On prend un petit café, un cookie. Non, je sais pas. Une soirée là, un de ces quatre, non? Et on peut-être même inviter les auditeurs ou les téléspectateurs. D'accord. Pourquoi pas? Bah, organiser ça, c'est un peu chaud, mais bah, on peut y penser. Bah, moi, on peut je peux le faire hein, s'il faut. Ouais, je suis très organisé. Oui, t'avais juste oublié que la radio c'était aujourd'hui. Mais à part ça, ça va. J'ai organisé la fête, tout le monde sera là, apparemment. Ah, il y avait une fête, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Vous êtes là pour quoi? Non, mais vraiment, là je parle sérieusement, il y a moyen que ça se fasse ou pas? Ce serait vraiment bien. Ouais, il y a moyen que ça se fasse. Ouais, ça c'est le oui juste en mode. Non, j'ai pas envie. Bah, c'est juste qu'il y a le tout grand patron d'Hilar FM qui vient de parler. Je vous demande de vous arrêter. Bon, voilà. Bah, il peut venir aussi si tu veux. Tu l'as retrouvé? Mais oui, mais en fait j'étais le chercher dans la base de données du studio d'à côté. Donc voilà. Je vous demande de vous arrêter. C'est vrai, je l'ai maintenant. Quel animateur. Allez, encore une fois, comme ça c'est. Je vous demande de vous arrêter. Ah, voilà. Oh, il est réactif. Je suis satisfait. Il est réactif. Ah là, c'est très jouissif de l'entendre. Bon, donc on en était. Oui, voilà, ça s'est déclenché durant. Ça fait 3 heures qu'on est à cet endroit-là. Mais oui, mais c'est parce que je peux pas avancer. Donc voilà, ça s'était déclenché et c'était Garvin Williamson qui a eu ce petit problème-là. Et donc voilà, l'application s'est déclenchée toute seule et ça a bien fait rire la BBC qui s'est moqué complètement de cette personne. Et donc il y a la vidéo qui est disponible sur internet, mais bon, c'était de l'anglais, c'était pas très marrant à écouter pour nous chers français, donc voilà, je ne l'ai pas prise avec. On va vous parler des animaux. Vous aimez les animaux? Ah, j'adore les animaux. Un peu trop d'ailleurs. C'est vrai qu'avec la voix là, comme j'ai fait. Le mec est juste flippant quoi. Oui, j'adore les animaux. Non, c'était pas comme ça que je voulais le dire. Ouais, ça c'est ce qu'on dit au début. C'était mieux dans ma tête. Non mais c'est sûr que Terrence, il va à la SPA. Bonjour, ça serait pour commander un chien. Un bon chien là. Vous savez, un peu fort poilu comme ça. Un gros entrejambe s'il vous plaît. D'accord, ok, merci, on va s'arrêter là. En tout cas, maintenant on sait cette... Aujourd'hui l'émission elle est wow. Oui bah c'est cette semaine, je pense que l'émission est un petit peu elle est très corsée. Ah, je sais pas, j'étais pas là avant, c'est pas ma faute, c'est lui. Bon, j'étais pas là c'est marrant parce que quand même t'avais fini le boulot. Et puis à 20h je te trouvais à chaque fois sur la localisation chez toi. Tu rigoles ou quoi? À 20h moi j'étais toujours pas à la salle hein. Voilà, à 20h je suis à la salle tout le temps. Ouais mais non c'est pas grave. Pas grave, ok, y a pas de soucis. C'est le genre de truc qu'on peut décaler quoi. Mais bon c'est pas du grave. Du coup les animaux. Non, je peux pas non. Pourquoi? Mais parce que alors, moi je commence écoute, moi je me lève à 5h. Oui. Je fais le boulot, je prends mon bus à 18h30. Oui. J'ai une heure de salle, je rentre, je dors. Parce que le lendemain. C'est quoi la musique que tu essaies de chanter? X-Files. X-Files. Ah oui, je l'ai. Mais je comprends pas toutes vos références, j'ai l'impression d'être idiot. C'est pas qu'une impression. C'est maintenant que tu t'en rends compte. Oui, mais ça renforce encore plus cette impression. Arrêtez, c'est bon là. Non, j'ai l'impression d'être inculte là. Tu sais, vous avez toutes des références là avec les merguez et les X-Lights, X-Files. Bah attends, X-Files. Je vais te passer le son, tu vas reconnaître. Ah ouais, d'accord, oui. Ok. Et c'est quoi alors ça? Ça c'est X-Files. Oh purée, il faut qu'on fasse l'émission en fait là les gars. En fait on discute comme si on était autour d'une table. Mais cette émission a toujours été une émission de bistrot. Donc cette émission ça a toujours été une émission de bistrot et donc voilà c'est le principe. Bon, j'étais en train de vous parler d'ailleurs des chiens. Et donc aux États-Unis quelque chose de complètement dingue. Un chiot a protégé sa maîtresse. Mais de quoi? On part pour 30 secondes si vous le voulez bien. Je lance le chrono, à vous de trouver. Pardon, j'ai coupé ton micro parce que tu parlais trop. Est-ce que c'est d'un autre chien? Non, pas d'un autre chien. Est-ce que c'est d'un être vivant? C'est vivant, oui. Ok, ouais. Est-ce que ça ressemble à un chien, d'un chat, d'un... Est-ce que c'est un autre humain? Est-ce non. que c'est un éléphant, un gros animal, un petit? Non, un petit animal. Un petit mais animal. Très... Une souris? Ça en mange des souris. Ah, un chat? Non. Des insectes? Non. Attends, c'est un animal qui mange des souris. Un chat. Ah, ok. Bah, un chat. T'as du venin. Un serpent. Un serpent, bonne Jean. Réponse. Il l'a dit en premier, on peut le réécouter si tu veux. Ouais, non, je vous crois. Ok, d'accord. Non, je sais qu'il l'a dit au milieu, mais j'ai dit genre en mode. Donc, le chien un point a protégé ce soir. Le chien a protégé son maître d'un serpent. Oui, donc un point pour Johan Bernard. Non, tu peux dire Terence, hein, ça me dérange. Johan Bernard. Je fais un mix. Enchanté. En fait, je connais un mec qui s'appelle comme ça, Johan Bernard. Il s'appelle comme ça. C'est cool ta vie. donc voilà, c'est Todd, un golden retriever qui est devenu un héros après s'être mis en danger pour protéger sa maîtresse, comme quoi il n'est pas forcément fidèle, d'une morsure de serpent à sonnette lors d'une randonnée dans l'Arizona aux États-Unis, reporte la BBC. Et Paula Godwin, la propriétaire du chien, a posté une histoire sur Facebook complètement dingue. La publication a été partagée et a reçu plus de 3000 j'aime, presque autant qu'une photo dénudée de Terence. Et donc on voit ce petit toutou complètement mignon qui a complètement bouffé le serpent, histoire que sa propriétaire ne se fasse pas mordre. Et donc le chien l'a protégée. Elle est complètement sous le choc, mais positivement étonnée. Ça vous choque ou pas que le chien protège autant son maître? C'est incroyable, ouais. Franchement. Mais c'est pour ça que j'avais dit genre. Enfin, c'est pour ça, c'est. Bah cette histoire n'a ni queue ni tête. Ah oui, quand même. On n'avait pas un jingle pour les mauvaises vannes? Voilà. Ah là là, bon. On va y arriver. Tu iras travailler sur une des radios du groupe Énergie, là. Non, mais il fait les mêmes blagues que moi. Tu peux travailler ici, ça va. Regarde-moi, ça fait longtemps que je. Et reste ensemble. Avec Pascal Tilsit, bonjour. Je comprends pas vos références, je vous jure, ça me frustre. Je suis frustré. Tu connais pas Patrick Timsit? Non. Ben, Simsit peut-être. Non, franchement, je vois pas c'est qui. C'est très long c'est ce soir. Hein. C'est un animateur radio, c'est quoi? Non, c'est un très célèbre parachutiste. Bon, alors. Non, c'est un humor. Il est juste humor. Il est pas humoriste, il est humor. On va appeler un orthophoniste. Exprès. Ah pardon, désolé. À du mort. Parce qu'il est terroriste. J'ai pas compris la vanne. Et lui, au bout de sa vie. Non mais moi, je vais faire des bottle flips. C'est très long cette journée. C'est même pas ta bouteille. Je vais demander si je pouvais. Oui. Oui, déjà, il arrive en cours d'émission. En plus, il me vole ma bouteille, il va me voler mon boulot, il va tout me voler. Écoute, j'étais là avant toi. Hein. Pas aujourd'hui. Dans quelques instants, enfin plutôt en fin d'émission, on aura la chronique de Terence Bernard. Il nous a encore concocté une surprise, je ne suis au courant de rien. Je sens que ça va être encore soit un gros moment de radio positif ou ça peut être un gros moment de radio négatif. Je sais pas comment ça va être. Bah, c'est plus ou moins la même chose que l'autre fois. Je vais me marrer. Pardon ? Je sens que je vais me marrer. Ah, ben on verra bien. C'est que ça va être sympa. En tout cas, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retrouver la cassette du jour. Vers 21h, on l'aura peut-être. Hein, comme ça, on. Ouais, faut juste qu'on me l'envoie parce que. Pardon, c'était pas prévu. Tu reviens sur ce que tu disais en fait. Ouais. Tu veux vraiment embrouiller les gens. Non, mais je savais. Allez, ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va s'écouter un petit titre. On va se retrouver juste après. Comme ça, on va pouvoir toujours appeler des. On va appeler d'ailleurs les gens qui ont leur fête aujourd'hui. Je vais vous dire quelle fête on fête aujourd'hui. C'est juste dingue. Ce prénom, on s'y attendait pas. Autant que cette semaine, on a eu un Thomas, on a eu un Antoine, on a eu. Non, pardon. Trouve le prénom de l'autre fois. C'était quoi encore? Anthelme. Anthelme, ouais. Voilà, mime d'un coup, premier coup. Hop là, t'as vu ça hein, tu t'y attendais pas. Ah non, pas du tout. Allez, voilà. Bon, voilà. Je pense qu'on a qu'à lancer la musique. Je sais pas pourquoi est-ce que je continue à beubler alors que j'ai le bouton sous les yeux. Merci de passer la soirée avec nous. Nous sommes en direct. Vous êtes sur Hilar FM, la radio qui l'a même durant les vacances. On est le 7 juillet. Et regardez, résultat, on est encore là. Oshi, femme à la mer. Du lundi au jeudi, vous avez la parole en direct avec Jadoul. Et c'est bien vrai, on vous donne accès à l'antenne de manière illimitée et sans aucun filtre. C'est ça aussi qui fait ce libre antenne. Je sais pas, en fait, j'ai jamais su classer cette émission. Si c'était un libre antenne, un talk, un. Je sais pas. Une discussion autour d'une table. Voilà, une discussion de bistrot de fin de soirée. Radio en fait. Bistrot. Radio Bistrot, voilà, Dan Roumanoff. Belle référence. La radio de vos humoristes préférés. Voilà, on y arrive. Toujours pas humoriste. Non, ok. T'aimes pas Anne Romanoff non plus? Oh, c'est moi je l'aime bien, je l'aime trop. Bah, c'est peut-être elle qui a besoin des cours d'orthophonie. Elle est gentille. Gentille. Point. Juste ça, elle est gentille. Les gens, voilà. Quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, ça veut dire qu'il a aucune autre qualité. C'est, oh, bah, il est gentil quoi. T'en penses quoi? Il est gentil. Oui. Ouais, il est gentil. C'est le compliment souvent, qu'on dit à tout le monde. Allez, on va appeler tout de suite tous ceux qui fêtent leur fête aujourd'hui, tout simplement. C'est parti. On va appeler tous les Raoul de Belgique. Étant donné qu'on fête les Raoul aujourd'hui, bonne fête si vous vous appelez Raoul. Appelez-nous plus 32 49 9 15 75. C'est parti, on appelle un Raoul. Raoul ma poule. Cool rose. Il y en aura beaucoup, je pense. Allô. Allô, bonsoir monsieur. Oui. Vous allez bien? Oui. Nous sommes en direct à la radio au moment où je vous parle. Ah oui. Et voilà, on voulait vous souhaiter une bonne fête parce que je pense que vous êtes un Raoul. Oui, monsieur. Bah voilà, une très bonne fête à vous. Quelqu'un d'autre y a pensé? Non, mais jusqu'à présent... Ben oui, si, ma voisine m'a offert ça. Ah, bah voilà, ah. Comme ça on est deux. Oui, merci. Bah de rien, monsieur, passez une belle soirée. Merci, vous aussi, merci. Au revoir. Voilà, il est génial. Bon, ok, c'est la première fois quand même que qu'on répond coup, du aussi vite, oui. C'est que vrai. La ouais. personne répond, elle dit merci, et elle dit ouais. qu'on est les premiers. Enfin, après, il rectifie. Mais voilà, donc ça s'est très très bien passé. Je suis vachement. Tu crois qu'il a compris qu'on était à la radio? Oui, il a dit ah oui. Le mec ça, s'en fout. Oh là là, c'est juste. D'accord, je passe sur la première chaîne mondiale. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Non, on va en appeler un dans quelques instants, mais pas pour les mêmes raisons. On va lui faire jouer au jeu des 5 mots. Sauf si vous voulez jouer avec nous au jeu des 5 mots, vous nous appelez plus 32 49 9 15 60 et 15. Bien, on en était où? Dans les actualités de la semaine, je pense, c'est bien ça? Oui. Ouais. Ah, merci beaucoup. Au moins, il y en a deux qui suivent. Vous êtes les deux seuls ici dans ce studio. C'était après le chien qui avait bouffé le serpent. Voilà, donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de la Chine. Ils ont un truc complètement dingue, c'est des drones. Des drones pigeons. Toujours la Chine, quoi. C'est toujours eux qui inventent les trucs bizarres. Il n'y a pas que, hein. Mais il y a des drones pigeons qui survolent. Et pourquoi est-ce qu'ils survolent certaines zones? Dites-le-moi, vous avez 30 secondes, c'est parti. Pour espionner des trucs en secret. On lance le chrono, c'est parti. Pour espionner des trucs en secret. Espionner quelque chose. Espionner quelque chose qu'on n'a pas le droit normalement d'espionner. Si, on peut l'espionner en théorie. Si, si. Enfin, quelque chose de privé, c'est en rapport avec l'armée, en rapport avec l'État. International. International. Le foot. Non. Non, moi je sèche. Est-ce que c'est en rapport avec la sécurité? Non. Oui, la sécurité d'un pays. Dans un parc. Non. C'est pour regarder à ce que les gens respectent les règles. Oui, mais quelles règles? Les règles. Les règles de l'État. C'est des drones qui surveillent la population aux frontières du pays. L'engin dispose de caméras, de capteurs, d'antennes qui sont difficiles à différencier des autres pigeons, étant donné que ce drone est déguisé en pigeon. J'ai un petit schéma, c'est une boîte à chaussures volante. C'est juste dégueulasse. C'est vrai. On dirait. Attends, c'est ça leur pigeon? Oui, c'est un pigeon. Surtout qu'un pigeon, enfin, je sais pas comment ils veulent faire battre les ailes du drone aussi peu vite que les vrais pigeons. Ça, il y a peut-être moyen, hein. Tu sais, c'est un espèce de mini avion. Je pense qu'il a une hélice au bout du bec. Un pigeon avec une hélice au bout du bec. C'est un ULM en fait. Un ULM, voilà. Et c'est vrai que ça ressemble plus à une libellule qu'un pigeon en fait. Oui, c'est parce qu'il a, il est tout petit, mais imagine le machin, ça devait être un machin pareil quoi. Enfin, c'est vrai qu'ils doivent le faire voler pour qu'il paraisse de la taille d'un pigeon. Alors voilà. Donc c'est une technique et c'est des caméras HD et ce pigeon fait 50 cm, il pèse 200 grammes et il est équipé de capteurs, d'antennes GPS qui sont contrôlables à distance via une liaison satellite, ce qui doit coûter une blinde évidemment à la Chine. Et donc c'est un déploiement plus large qui s'envisage peut-être pour le futur. Il compte surveiller toutes les frontières. Ce qui va juste être marrant, c'est que tout autour des frontières de la Chine, il y aura des pigeons qui volent. Le truc à peine suspect. Ils vont trouver des autres délires pour pouvoir masquer la chose. Mais bon, voilà, le chasseur qui va vouloir manger le soir, il va être bien déçu, quoi. Ouais, je pense aussi. Je vais vous parler d'un truc qui a rien à voir tant qu'on parlait des volatiles. Les moustiques, je dois vous le dire, c'est mon combat du moment. Étant donné que chez moi il fait une chaleur de dingue, la chaleur s'accumule durant la journée. Et la nuit, même si j'ouvre grand les fenêtres, il n'y a pas moyen que la chaleur parte. Moi aussi, dans mon pays, il fait très très chaud. Dans ton pays. Oui, on rappelle évidemment qui vient du Maghreb. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui. C'est sûr qu'il ne vient pas du sud de la France. Du sud de la France. Je suis dans mon pays. Tu manges du pain. Tu veux du pain? Ah non. Ouais. Non, la zone du sud, c'est quand même que tu sens que t'es près de la pétanque. Ben oui, zero to point. Oh là là, il est légèrement. Moi, j'ai une passion pour les accents. Vous pouvez pas me coller là-dessus. Mais donc, je parlais justement donc des moustiques. C'est juste parce que j'ouvre les fenêtres. Je suis le seul endroit dans la rue où ils vont rentrer par 10 avec toute leur famille. Alors du coup, je les vois, ils sont là, ils passent près de la lampe. Alors du coup, je me dis, mais je vais le buter, c'est pas possible. Alors j'ai déjà cassé 2 ampoules. Mais ils t'ont pris pour un délire. Attends, j'ai déjà cassé 2 ampoules. Il le dit en plein milieu d'une phrase, ça passe inaperçu, tu sais. Comme moi quand je suis arrivé dans le studio. Voilà. J'ai cassé 2 lampes en tuant des moustiques. Mais c'est vrai. Et donc du coup, bah voilà. En même temps, Thomas, je t'explique. Quand t'as un moustique sur une lampe, ne frappe pas sur la lampe. Attends qu'il parte peut-être de la lampe. Enfin, je sais pas. Il y a quelques années, il y avait un moustique sur ma mère, j'ai frappé, elle a pas aimé. Bon. Je dis, ouais, mais c'était parce qu'il y avait le moustique. Ouais, mais il y avait moi d'abord. Alors, bah écoutez, c'est la vie. Hein. J'ai mis Khaled en hommage à ton pays. Tu viens vraiment du Maghreb? Pourquoi vous riez? Oh, j'ai l'impression d'être Alice à Noël là pour le moment. J'ai l'impression d'être l'Alice à Noël de l'émission, c'est abusé. Félicitations, tu vas nous offrir le premier fou rire de la soirée. Alors, pour ce dire, je viens d'Arlon. Bah oui, bah t'as pas une tête du. Bon, bref, je vais pas continuer. Mais j'ai pas de tête d'arabe. Bah ouais, mais c'est ça. Bah c'est ça, mais après, y a des noirs qui sont belges, quoi. Moi j'ai pas une tête d'arabe, j'ai juste le nom d'arabe. Moi, non, mais je connais des copains qui sont totalement arabes, ils ont une tête de blanco. De belge, blanco. De blanco. Ils ont des têtes de nazi, quoi. Donc. De nazi, tu sais, blanc, blond. Bienvenue sur Il a rêvé, on te censure pas du tout. Non mais vraiment, les gars, j'ai vraiment l'impression, tu vois, Anissa le Noël, tu sais quand t'as dit totalement des trucs, j'ai totalement. Bon, les gens ils comprennent pas. Donc il y a une fille qui était qui travaillait avec nous, ouais. Qui était voilà un petit peu limitée intellectuellement, et donc du coup dès qu'on disait un truc, elle était là, quoi, j'ai pas compris. Ouais, hein. Vraiment. Et alors du coup, Terence se sent un petit peu comme elle ce soir, ouais, mais c'est pas grave. C'est super il arrive vexant. Quand même. C'est super vexant. Vous me vexez en vrai. Moi je vais redéposer mon casque, je vais partir. Il arrive à monopoliser l'antenne et en même temps faire des références nazies. Il y a rien de pire. Tu veux qu'on se fasse choper? En plus des nazis arabes, quoi, t'imagines? Il en remet une couche, c'est pas possible. En fait, t'es venu, tu veux nous dégrader l'émission. C'est la dernière, il a refait. C'est la dernière aussi pour Jadoul. J'ai besoin d'une douche là. Je serai interdit d'antenne, ce sera comme ça. La soirée est très longue. Alors maintenant, la question que je vous pose, c'est pourquoi? Pourquoi êtes-vous là? Va-t-on finir la soirée entière? Est-ce qu'on va nous interrompre et nous voler l'antenne? On va peut-être pas aller nous laisser jusqu'au bout. Nous laisser aller jusqu'au bout, ça va peut-être arrêter avant puisqu'ils vont nous censurer. Est-ce qu'on va quand même résister jusqu'au bout? Et est-ce que Terence va finir de frotter la bonnette comme si c'était... Il se caresse près de la bonnette. Il est là. Oh, c'est doux. Je sais pas où on est. D'accord, merci. Voilà, vous êtes dans une porcherie. Donc, je sens que je vais distribuer un peu d'amour durant la musique qui va suivre. De l'amour sous forme de lettres, recommandées. Et ensuite, on va se retrouver juste après. On va faire la cassette, je vais essayer de la retrouver. J'ai toujours pas, hein, on me l'a toujours pas envoyée. Elle est toujours au bureau, à 2 km d'ici, rien à voir. Donc, c'est beaucoup moins pratique pour que ça fonctionne, n'est-ce pas? Heureusement que c'est la dernière. Hein. Heureusement que c'est la dernière, oui. On a plus rien à perdre de toute façon, c'est ça l'idée. Allez, on va peut-être lancer la musique, comme ça va nous permettre d'aller d'un peu s'aérer. On va aller promener Terence. Il est bon le micro, Terence? Mais j'ai jamais vu quelqu'un autant aimer une bonnette. Mais non. Voilà, on va pas commenter. Heureusement que c'est juste une radio et qu'il y a que des sons, quoi, parce que... Ouais, mais c'est déjà trop. C'est déjà trop, je vous le dis. Pourquoi? C'est mon rire. Si c'était que je rire. Ta gueule, toi. Ah d'accord, c'est téléphone sur l'antenne. 5 euros dans la boîte. Non, même pas, on a arrêté ça. Ouais, parce que tu avais trop de dettes. Ouais, ça nous coûtait trop cher. Bon, j'ai même appelé. Ouais, elle est là. C'est bon, on peut y aller. J'espère que vous passez quand même un bon moment malgré tout ça. Nous sommes en direct. Il se passe des choses étranges dans ce studio. Mais l'essentiel, c'est qu'on est quand même là et qu'on arrive à faire une émission malgré tout. C'est juste dingue. Belle soirée à vous. Vous êtes sur la RFM et dans Jadoul. Et je pense que j'ai tout dit. Bonne soirée. Je demande à tous les scientifiques qui nous écoutent de nous envoyer leurs coordonnées, car on a des discussions lunaires en dehors de cette émission. Je vous explique, c'est bien simple. On parlait de Terence, et alors il me dit « Ouais, mais moi je suis animateur pour les enfants et tout ça. » Et en parlant, je vois son bras qui est complètement amoché. Je dis « Tu t'es fait ça comment ?» Et je te laisse expliquer. Ben, en fait, c'est les enfants qui ont dû me soigner. Mais pourquoi ? Ben, je suis tombé au foot avec eux, je jouais au foot avec eux, et finalement, je suis tombé et ils m'ont soigné. Et c'est pas qu'il s'est légèrement blessé, c'est-à-dire non, vraiment, on dirait que je suis tombé en moto, j'ai le bras totalement écorché, j'ai la hanche aussi totalement écorchée, ouais. J'ai mal au genou, enfin partout quoi. Et le pire, c'est que c'est vrai que les parents, quand ils récupèrent leur gosse, ils se demandent mais c'est qui l'animateur là-dedans. Et puis il me voit sur les jeux, je te jure, l'autre fois t'as un parent qui vient récupérer son gosse, et il me voit, tu sais, c'est votre truc avec les ressorts là qui bougent et tout. Mm-hmm. Et puis moi j'étais là avec les enfants en train de discuter avec eux, c'est moi l'animateur. Ah, Joséphine, là-bas. Ah, j'ai peur, je mettrai jamais mes police, gosses. Non, police. Non, mais c'est parce que je joue avec. Enfin, tu vois, les enfants me demandent de jouer avec eux, ils me parlent. Ils ont bien compris le personnage, hein. Non mais voilà, quand on est avec des enfants voilà, mais sinon en tant qu'animateur, mais arrêtez de vous moquer de moi, sérieux. Oh. Excuse-moi. La nuance, c'est qu'on se fout pas de toi. C'est que c'est quand tu prends du recul sur ta situation, tu te rends compte que c'est quand même dingue. Ah, mais je sais très bien que je suis un gamin, mais je suis un très bon animateur aussi. Mais je n'en doute pas, j'ai jamais mis ça en cause. Je suis adulte quand j'anime, et puis une fois que j'anime plus, ben, je suis un enfant. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Je veux dire, quand j'ai besoin d'être autoritaire, quand j'ai besoin de me faire respecter, je suis un adulte, je fais attention à la sécurité et tout. Puis une fois que c'est leur cours de récré, les enfants viennent jouer avec moi, je fais des cache-cache avec eux et tout pour les. Enfin voilà. Il part durant une demi-heure, les gosses ils sont en train de le chercher. Bah écoutez, j'étais au bar. Hein. Ouais, je vois bien le délire. Bon, bah voilà, comme ça vous savez un petit peu les activités professionnelles en dehors de la radio. De Terence Bernard, vous êtes dans Jadoul, je vous souhaite une très belle soirée. Le 20h, 22h. C'est un peu comme un repas en famille. Il y a de la musique et de la nourriture. Il y a un oncle un peu bourré. Et bonne année. Qu'on essaye d'éviter. Bonne Saint-Valentin. Et il y a un gars un peu lourd. Oui, enfin ça, c'est tellement grossier comme affirmation. Il y a une personne âgée jamais contente. Le nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Et il y a celui que tout le monde connaît, mais on ne sait pas pourquoi. C'est Jadoul, tous les samedis, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Ce qui va me manquer ces vacances-ci, c'est les jingles improbables qu'on avait écrits durant toute cette saison. On en a eu je sais pas combien de dizaines, mais à chaque fois je me fais tailler dans les jingles, c'est ça qui est marrant. Donc... Le mec un peu lourd, c'était moi. La personne âgée qui est tout le temps pas contente, c'est toi. Là, qui il y est Johan? Moi, je suis l'animateur studio. Ou l'oncle un peu relou, là, je sais plus. Ah, bah, à la fin des mariages, oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Mais pas relou qui est bourré. Qui différent. Est bourré, voilà, qui est complètement ivre. Mais ça va encore. Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, faut pas oublier. Merci toi, beaucoup. Moi, t'es de relou que quand t'es bourré, sois content. Moi, je suis relou tout le temps. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, je dis qu'ils sont contents, lui, il est juste relou quand il est bourré, moi, je suis relou tout le temps. Tu es à la radio. D'accord. Bon. Mais merci. Il me dit je suis à la radio. Mais il te le rappelle parce que parfois tu parles un petit peu comme si tu étais chez toi. Donc voilà, ça peut arriver. Mais ce qu'on va faire maintenant tout de suite, c'est encore une news de la semaine, mais toujours en rapport avec un chiot. Mais là, cette fois-ci, il s'est passé autre chose. Et je vous laisse deviner ce qui s'est passé avec ce chiot. 30 secondes, ça vous tente? 30 secondes. Tu peux nous mettre une minute plutôt. J'ai pas une minute, donc c'est 30 secondes. Il est mort. Non, il est resté en vie. Il est resté chez lui toute la journée, pendant des jours toute la journée. Il a mangé un serpent. Durant 30 heures, il est resté quoi? Durant 30 heures. Attaché dans une cage. Pas attaché. Enfermé dans une voiture. Pas enfermé. Est-ce que c'est quelque chose de dégueulasse? Il pouvait plus bouger. Bah, il était mort. Heureusement, 30 heures, et puis il est réanimé. Pétrifié. Ça commence par C. Coincé. Bah. Il était resté coincé dans dans la niche. Dans la niche. Mais laisse-le expliquer, enfin. C'était Ross qui dit ça, alors que c'est lui qui me coupe toujours la parole quand je parle. Arrête de remettre sur moi tout le temps. Bon, c'est un chiot sourd qui est resté coincé dans un trou durant 30 heures. C'est assez dingue, et donc c'est pas n'importe quel trou, hein. C'est pas genre coincé la patte, il est resté dans un trou de 15 mètres de profondeur dans lequel il était tombé, et malheureusement, il était trop... Il a pas de chance en plus d'être sourd. Sourd et enterré. On dirait qu'on est bourré, on rigole pour rien. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Bah non, il était dans un trou, il était coincé. Non, mais c'est, je parle pour vous. Bienvenue sur Radio Bistro. Il faut que je prépare le jingle. Allez, viens boire un petit coup à la maison, comme ça. Je vais Jean-Michel, là. Ouais, Jean-Michel. Non, non, il est licencié, lui. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, il est mort. Non, quand même pas. Quoique, peut-être d'une crise d'épilepsie ou d'une... d'une cirrhose au foie, je sais pas, quelque chose comme ça. Bon, allez, c'est un chiot, c'est en Alabama aux États-Unis. Il a pu trouver ses propriétaires après avoir été piégé dans un trou de 15 mètres de profondeur. Comme le rapporte un journal local, et une large équipe de pompiers a été mobilisée pour sauver la petite chienne âgée de 7 semaines qui était coincée, voilà, dans ce trou de 15 mètres de profondeur. Et il dit, c'est un miracle, car c'était samedi passé, juste après minuit, que les pompiers ont réussi à le sortir. Et donc sa propriétaire, Karen Schmidt, est complètement fan de l'action que les pompiers ont menée pour sauver son animal. Est-ce que vous avez déjà eu des animaux en difficulté qui vous appartenaient, du moins? Oui, ma sœur. La pauvre. Moi, j'ai des amis qui me servent à rien. Non, franchement, que je me rappelle, non, pas que ça. C'est un peu dérangeant. Il se voit beaucoup pour rien. D'accord, ok. Je ne vais pas relever. Ça devient de la private joke. Alors, je vais tout de suite enchaîner et téléphoner tout de suite au bureau de prod, voir s'il y a moyen de récupérer la cassette du jour, car j'aimerais bien quand même la voir à un moment ou à un autre, parce que ça commence un petit peu à presser. Il va peut-être flipper avec les feuilles, lui. Non, en fait, j'ai une sale tendance dans cette émission, c'est que pour ne pas m'embrouiller, je jette les feuilles par terre. Sinon, après, je les relis. Oui, à ce point, oui. C'est une actualité, enfin, n'est plus une actualité avec toi. Tu racontes trois fois. C'est une boucle. C'est Euronews ici. Il y a trois feuilles, je les remets toujours l'une en dessous de l'autre, alors du coup, j'enchaîne toujours. Dernière de RILAF. RF. Ça va, on a trouvé pire que moi en orthophonie. Je suis content, franchement. Alors, je suis content que tu sois là, mec, t'es un bon gars. Non, j'ai la moite. Nice en Belgique. Voilà, non. On a des numéros de téléphone. C'est de la logopédie aussi, hein. On peut surnommer ça comme ça. Et donc, voilà, il y a quelques numéros de téléphone. On va les appeler dans quelques instants pour pouvoir si, voir s'il y a moyen de faire quelque chose pour Joanne. Hein? Excellent. Oui. On va vraiment les appeler. Parle dans le micro. Pas deux fois quand même. Pas deux fois. La Croix-Rouge la dernière fois. Ouais. Cette fois-ci l'orthopédie. Attention parce que là il a fait quand même la logopédie. Presque une phrase complète. Non mais pourquoi? Il avait dit quoi? T'avais dit quoi? L'orthopédie. L'horticulture. On est où? Les chaussettes de l'archiduché sont-elles sèches? Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Voilà. Ouh. On peut continuer. C'est au bout du rouleau. Je vous le dis, je n'en peux plus. Et ne me passe pas un rouleau dessus, tout ça ne changera rien. Oh là là. Ah là là, c'est très très compliqué. Je pense que c'est un effet avalanche ce soir. On a commencé par une vanne et ceci, on traîne cela. On n'y arrive plus. On est un petit peu au bout du rouleau. Mais ça va. Et on me dit que c'est trop long. Merci Macron. Bon, oh là là, j'ai tellement de choses à faire dans cette émission. Je sais pas comment je vais faire pour tout caser. Bah tu le fais pas. Le mec défaitiste, il voit le verre à moitié vide. Bah écoute, on le fait pas. Hein. Moi je le bois, le verre. D'ailleurs, avant l'émission, c'est pas la bonne idée. On est bien d'accord, allez. Bon, je sais même plus comment enchaîner, puisque vous m'avez foutu. C'est très incertain et assez flou. Tu comptes me les faire toutes? Comme ton avenir, il est flou aussi. C'est très incertain et assez flou. Merci. Bon, on va téléphoner dans quelques instants à des logopèdes pour Johan. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein? Et après, on va appeler les Raoul pour les faire jouer au jeu des 5 mots, histoire qu'on s'amuse un petit peu à l'antenne, voir s'il y en a qui veulent bien jouer avec nous. Et tout ça, ça va se faire dans la joie et dans la bonne humeur, étant donné que Terence va prendre ses médicaments. Non, ça va? Ok, d'accord, super. Je ne te parle plus. Tiens, j'ai une banane dans l'oreille. Bon. Ah oui, cette blague, elle est énorme. J'ai pas compris pourquoi j'ai dit ça. Tu connais pas la blague? Non. Tu connais pas la blague de la banane? Bon, attends, je te la raconte. Donc, c'est quelqu'un qui dit, il voit un vieux avec une banane dans l'oreille, il fait « Monsieur, vous avez une banane dans l'oreille. » Comment? Tiens, vous avez une... j'ai une banane dans l'oreille. Vous avez une banane dans l'oreille. J'entends pas. Vous avez une banane dans l'oreille. Excusez-moi, j'entends pas bien, j'ai une banane dans l'oreille. Voilà. Ah oui. Mais rigole un petit peu quand même. Non mais c'est... Ah, c'était drôle. Bon. Ça va, tu es aux enterrements de son humour. Qu'est-ce qui se passe, Johan? Ah, d'accord, c'est l'orthophoniste. Non, lui aussi, il parle plus. Vas-y, viens, on lui fait la gueule. On lui répond à plus rien. Vas-y. Bon, bah, comme ça, je coupe les micros, il y a moins de bruit, comme ça, c'est plus calme. Vous vous barrez du studio? Ah oui, quand même. Ah, d'accord. Bon, bah, ok. C'est gentil, merci beaucoup. Johan se lève de la chaise, il a failli tomber. Comme quoi, on va rien faire ce soir. On va rester sage. Oh oui, d'ailleurs, j'ai oublié. Le duplex de la fête foraine. Oui, on doit aller à la fête foraine d'Arlon qui vient de s'ouvrir maintenant. On n'est pas très loin, on a quelques kilomètres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'après la radio, avec Johan et peut-être avec Terence s'il a le temps, on ira à la fête foraine. On va aller un petit peu s'amuser, étant donné que c'est l'inauguration aujourd'hui. Et comme ça, on va aller s'amuser. Et comme ça, vous pourrez dire que Jadoul et toute son équipe est à la fête foraine. On est bon. Tiens, j'ai une banane dans l'oreille. Ça n'a pas changé. Je peux te dire juste quelque chose. En fait, lorsque Jadoul et toute son équipe vont à la fête foraine, on dit son parce qu'ils sont plusieurs. Voilà, c'est tout. Pour le moment. D'accord. Voilà. Ce sera tout. Tu me reprends à chaque fois que je dis quelque chose de pas correct grammaticalement. Bah oui, parce que tu vois, j'ai une émission à faire tourner, faut que ça avance, ouais, que ça bouge. Ouais, donc ouais. Je fais un petit tri, tu vois, c'est aussi le rôle du producteur qui se fait à l'antenne là, tu vois. Ouais, t'es vexé? Ouais. Ok, bah tant pis, on réglera ça hors antenne. Il y aura un peu de temps, mais ça va aller, vous inquiétez pas. J'ai récupéré la cassette du jour, donc c'est parti, on peut enfin faire la séquence. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Pendant le temps que Johan s'enjaille sur le jingle qui l'émeut beaucoup, si tu veux, on a la musique entière, on peut te la donner. Ou on l'écoutera hors antenne. Non, on l'écoutera à l'antenne peut-être, comme ça on change un peu la programmation. Bon, la cassette, où c'est qu'on me l'a mise, étant donné qu'on me l'a fait venir par Colis Express là. Voilà la cassette du 7 du 7, c'est aujourd'hui, nous sommes en direct, 21h27. Terence, je t'en prie, mets-la dans le lecteur. C'est parti! Quelle est la cassette du jour? Je vous le demande, c'est très très compliqué pour la dernière. C'est qui a arrêté la cassette? Eh ben c'est moi et j'en suis très fier. Donc à vous de trouver, vous voulez peut-être l'écouter une dernière fois pour être sûr d'avoir le son en tête, parce qu'ici dans le studio personne n'a trouvé. Hein. Et je pense que chez vous aussi ça va être très compliqué de trouver étant donné qu'on l'a vachement bien déformé le son. S'il y en a un qui y trouve, je pense que je vais jusqu'à chez lui pour lui dire bonjour. Allez, c'est parti. On réécoute. C'est qui a arrêté la cassette? Ah, je ne sais pas. Terence, t'as trouvé quelque chose avec Shazam? Non, du même tout. Pas. Eh oui, ça a été créé exprès pour ne pas qu'on puisse détecter avec Shazam. Donc c'était encore une fois la preuve A plus B qu'il n'y avait pas besoin de ton téléphone durant l'émission. Bon, ça c'est fait. Et lui aussi. C'est-à-dire qu'il y a le téléphone qui se balade sur la table. En même temps qu'il dit téléphone, ça fait bouh. Ça s'appelle un aléa direct. Mon micro vient de tomber. Oh là là, mais je sais pas. S'il y a des gens encore qui nous écoutent. Ouais, je pense pas. Ça va, au moment on peut faire. Tu peux me passer le sac de mon casque alors, si c'est embêtant. Il y a ton téléphone dedans. Il y a quoi? Il y a ton téléphone dedans? Qu'est-ce que t'as foutu ton téléphone dans mon sac à casque? Je sais pas pourquoi il a fait ça. Il a eu son téléphone qui a vibré, du coup il s'est dit tiens, je vais le mettre dans un sac, il vibrera plus. Il est emballé. Genre, comme ça, il ne vibrera plus. Il n'y aura plus les ondes qui poinceront. Je suis sûr, il est en dehors de la radio, dans la rue, il dit oh merde, mon téléphone sonne, il creuse un trou, il l'enterre. Il règle le problème radicalement. Vous êtes dans Jadoul, bonne soirée à vous. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Ce qu'on va faire, c'est que vous prenez un petit papier là maintenant en direct dans le bloc-notes. Là, il doit sûrement rester encore des pages vides que l'équipe n'a pas encore utilisées. Et je veux bien avoir les feuilles qui sont là par contre. Merci. Hop, voilà. Comme ça, vous pouvez écrire 5 mots complètement au hasard et on les fera deviner aux gens qui nous écoutent. Alors, vous savez que c'est le départ du Tour de France ? Aujourd'hui même, ça a été le départ du Tour de France. Oui, je le savais. Qui est grand cycliste ici, Terence Bernard ? Moi, j'adore le vélo, mais j'aime pas regarder le Tour de France, je m'en fous totalement. D'accord. Mais le vélo, j'adore en faire. Vraiment, je fais tout à vélo, c'est mon moyen de déplacement en fait. Je dois aller. Ton moyen de locomotion. Voilà. Je dois aller quelque part, c'est à vélo quoi. D'accord. Il reste des bics ici dans cette radio ou pas ? Non. Je sais pas, il y a un fluo ici si tu veux, mais bon, c'est pas. Écrivez au fluo. C'est vraiment là. C'est les moyens du bled. Hein. Non, on dit la ref. Bon. Alors, je te remercie. La ref, c'est le bled. C'est le bled. Ouais, c'est ça, merci. On voit que lui il reste pas ici puisqu'il peut tout balancer, lui tranquille. Allez, c'est pas grave. Je vois que vous êtes quand même nombreux à m'envoyer des petits snaps là, concernant l'émission, ça fait plaisir. Je vous embrasse, merci beaucoup de suivre l'émission et d'être toujours là à l'écoute de Jadoul. En tout cas, voilà, on a passé une saison magnifique. On a commencé cette émission le 2 septembre et on avait fait la vraie première, entre guillemets. On avait fait le pilote le 2 parce que c'était un petit peu un espèce de pilote à l'antenne. Mais sinon, le 9 septembre, on a fait la véritable première, donc c'était le 9 du 9. Et bizarrement, aujourd'hui, le 7 du 7, on fait la dernière. Le hasard. Comme quoi, voilà, c'est dingue, c'est marrant. Bon, ça c'est fait. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés dans cette émission-là. Il y a quelques-uns qui remettent le bonjour aux auditeurs. Et comme ils ne l'ont pas tous remis, je vais pas les citer. Et donc, voilà, vous avez un bonjour collectif des gens qui sont passés par cette émission. Et je vous remercie d'avoir fait des records, par exemple. Quand on avait fait la grande fouille, l'émission ouais, complètement dingue. Énorme. Quand énorme, on avait caché des clés dans tous les environs d'Ilar FM et qu'on avait envoyé les chroniqueurs de l'émission partir avec des micros sans fil dans la rue en train de chercher chez les voisins et tout après les clés, c'était dingue. En fait, c'était Fort Bayard. Bayard. Il a à pas partir de dedans. Maintenant, on va compter tous les mots qu'il ne dit pas. Je vais le mettre sur ma feuille. Non, arrête, on n'aura pas assez avec un stylo. Je rigole. Au moins, à la radio, vous ne voyez pas les doigts d'honneur qu'il me fait. Je vous propose de nous appeler si vous avez quelque chose à nous dire, il n'y a pas de souci. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Et la chose la plus simple pour nous contacter également, c'est les réseaux sociaux. Vous pouvez rejoindre ma page Thomas Jadoul sur les réseaux sociaux, peu importe, n'importe où, ou le numéro de téléphone que vous venez d'entendre. Voilà, donc le Tour de France, qui s'en fout, à Malvé. Enfin, ah oui. Oui. Donc c'est-à-dire que c'est 100%. Ouais, voilà. Donc 100% des gens dans ce studio s'en manquent un peu du Tour de France. De toute façon, on ne pourra jamais savoir s'il y a du dopage ou non là-dedans. Donc voilà. Dans 7 jours, c'est la fête nationale française. Et c'est. Française. C'est pas la journée de Joanne aujourd'hui, je vous le dis. Là, il voulait il juste. Il arrive même à casser son papier, mais alors juste à l'endroit où il écrit en plus, tu sais. T'as tout le papier. Tu déchires et pas cassé. T'as écrit sur 10% du papier tu et tu casses verre, 10%. Tu déchires une feuille. Et quoi ? Et tu te casses, c'est pas pareil. Allez. C'est dingue, mais je sais pas ce qui nous arrive ce soir. C'est très très très long. Allez, on va se remettre aux choses sérieuses. On va tout de suite passer aux dernières news de la semaine de ce soir. On n'en peut plus, on est au bout du rouleau. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et comme c'est la dernière, je m'en fous, je vais révéler un secret. En fait, on s'est complètement trompé quand on a créé ce jingle. On a donné le texte à la voix off et c'était marqué les infos inintéressantes qui vont vous intéresser. Sauf qu'on s'était trompé, une faute de frappe. Alors du coup, il a enregistré les infos intéressantes qui vont vous intéresser. Ah putain, je savais pas ça. Oh, pardon pour le gros mot, excuse-moi. Non mais je savais vraiment pas ça. Donc voilà, donc au final on a un jingle qui ne veut rien dire depuis le début de l'année, mais qu'on utilise quand même. Ça me faisait tellement marrer ce jingle. Donc voilà, un petit secret de production révélé. Ça se passe au Cambodge et ils ont battu un record à 23 000 personnes. Vous avez 30 secondes pour deviner quel record ils ont battu. Ne lisez pas sur mes feuilles. Bah, on a en fait. Ils ont construit quelque chose ? Fabriqué ? Oui, ils ont fabriqué quelque chose. Ok. Est-ce que c'est une sculpture ? Non, pas une sculpture. Un objet. Un objet, oui. Est-ce que ça sert à l'éducation ? Ah non, c'est un objet, c'est pas un bâtiment, ok. Ça se porte ? Est-ce que c'est électronique ? Ça peut se porter. Est-ce que c'est électronique ? C'est la matière. Est-ce que c'est électronique ? Tissu. Non. Oui, du tissu. Bah, ils ont beaucoup de longueur de tissu. Oui, bah je. Ouais, allez, on va dire que le point est pour Johan. Ils ont tissé une écharpe longue de plus d'un kilomètre, un record qu'ils ont battu à 23 000 personnes, oui. Mais pour, comment ils faisaient à 23 000 personnes sur le même tissu ? À mon avis, ils ont fait des petits raccords comme ça, ou alors je sais pas, les d'une traite. Mais voilà, c'est une initiative pour cette région, et donc le Premier ministre et son fils se sont impliqués là-dedans, ils ont mis la main à la pâte, et donc voilà, ils ont fait une énorme écharpe de plus d'un kilomètre, je sais pas à quoi ça peut servir, mais voilà, c'est fait, et elle fait un mètre de largeur. Bon, mais il y a de quoi loger quelques personnes. J'espère qu'ils vont découper les morceaux et les donner à des associations, comme ça ils peuvent le donner à des gens qui sont sans abri, et comme ça ils peuvent recycler un petit peu ce qu'ils ont construit. Mmh. Et donc c'est des Cambodgiens qui ont tenté donc ce karma, ça s'appelle comme ça, d'un kilomètre. Nous le karma ce soir on l'a pas. Hein. Autant on a eu du mal même à allumer le studio parce que l'électricité a sauté et tout, c'était la galère. Mais bon, voilà. D'ailleurs, en parlant d'électricité, je vous avais raconté, ou vous avez peut-être entendu ça dans l'émission, il y a une maison qui se trouve à 20 mètres d'ici, Terence, lâche ton téléphone, c'est la dernière fois que je le lis. C'est par rapport à l'émission, donc voilà. Peut-être, mais c'est à quelques mètres d'ici, il y a l'éclair, il y avait un énorme orage, un éclair s'est abattu sur la maison, automatiquement après elle a pris feu, et durant une bonne dizaine de minutes, il y a eu des énormes flammes qui sont sorties, et ça s'est passé à 19h30, et nous on prenait l'antenne à 20, il y a eu une coupure d'électricité dans le quartier là-haut, et ça aurait pu tomber sur ce studio-ci. Donc le studio aurait pu être victime d'un incendie à... C'est une question de hasard, quoi. Donc c'est juste dingue, il y avait les pompiers, la rue était bloquée et tout, on n'arrivait pas à accéder à ici. Et voilà, c'était assez impressionnant et c'est là qu'on se rend compte que ça aurait pu tomber ici. Et on a quand même eu une surtension ici dans les locaux, mais comme le studio ici n'était pas alimenté, il n'y a pas eu de dégâts, mais voilà, ça aurait pu nous arriver et ça aurait pu faire des dégâts. Mais comme quoi, voilà, c'est une question de karma, une question de chance et... Ça peut nous arriver sans prévenir. Vous avez déjà été victime d'un orage ? Qui a pris la foudre ? Non, j'ai déjà eu ça, par contre. Juste dans le champ à côté de ma maison, donc c'est-à-dire à plus ou moins 10-20 mètres. Je croyais que tu avais pris la foudre, je me suis dit, ah oui, quand même. C'est limite. C'est limite, ouais, c'est joué à ça c'est joué à rien. 21h37, ah oui, déjà quand même, ça passe. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des prisonniers. Ils refusent de regagner leurs cellules, mais pourquoi ? Excuse-moi, répète. Manque d'hygiène. Non, mais Terence, c'est une blague. Non. Mais c'est pour l'émission, concernant la. C'est pas grave, tu poses ton téléphone, on a des musiques, c'est fait pour ça. Allez, 30 secondes, qu'est-ce qu'ils ont refusé pour ne pas regagner leurs cellules ? Les prisonniers, ils réclament un droit. Le repas. Le repas, non. C'est pas de l'alimentation. Est-ce que c'est en rapport avec leur. Est-ce que c'est en rapport avec les autres de la prison ? Non. C'est eux-mêmes un droit. Le droit de sortir. C'est vestimentaire. Ah ouais, le droit de s'habiller comme ils veulent. Non. Le droit d'avoir des vêtements lavés. Quels vêtements ils peuvent pas porter ? Des vêtements lavés. Des vêtements de filles. Non. Je sais pas. Il n'y a pas d'être investi en prison. Justement, c'est. Bah si, il y en a. Oui, mais. Voilà. Ils n'ont pas le droit de porter de short. Donc voilà, ils ont. Ah, ouais, oui, ok. Ils ont protesté. Ils sont prostitués. Pardon. Merci pour l'alerte, Joël. C'est vrai, ça. Pourquoi ils n'ont pas le droit de porter de short ? Mais alors, avec la température qui ne finissait pas de monter. Oui, j'ai débranché vos casques, je suis désolé. Ça va ? Vous avez de nouveau des casques ? Ouais. C'est bon, alors. En fait, ils sont manifestés car vers 11h, une dizaine de détenus ont refusé de regagner leur cellule car selon le syndicat de la France ouvrière, ils n'avaient plus l'autorisation de porter de short. Et donc, merci. Et donc, voilà, ils sont pleins et ils ont voulu un assouplissement du régime. Non, vas-y, continue. Qu'est-ce qui était passé par la fenêtre jeudi ? Un Fanta. Oui. Et une pince. Voilà. Et donc, on va ajouter sur la liste des choses qui sont passées par la fenêtre du studio. Un téléphone. Un téléphone. Qui va se transformer en mode avion dans quelques instants par la fenêtre du studio, en sachant qu'on est au deuxième étage. Bon. Oui, les gens en bas ils ne comprennent pas, ils voient par la fenêtre de... des objets passés. Mais surtout qu'une pince, une pince coupante par la fenêtre, ça peut être très dangereux, il faut pas oublier. Le pire, c'est que j'ai pas regardé s'il y avait des gens en dessous. J'ai lancé la pince en mode hop, oups. J'ai fait, j'espère qu'il y a personne. En mode, je croise les doigts. Bon, voilà, ils ont réclamé ce droit-là. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'ils ont été interdits? Bah oui. Non, interdits, non. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'ils ont été interdits de porter de short ou justement, non. C'est logique, c'est la sécurité, bah, c'est... blablabla. Non. Justement, moyen de tissu, moyen de risque. Pour un short, enfin. Ouais, ça va. Ça va encore. C'est étonnant d'ailleurs, Terence, il est toujours en short d'habitude. Quand c'est l'été, je le vois souvent en short. Et là, il est pantalon, classe, nickel. Tu m'as coupé mon micro. Il est pas coupé ton micro. Hein. Quand je parle, là maintenant tu l'as remis, donc voilà. Mais tu coupes mon micro. Là. Je l'ai pas touché depuis tout à l'heure. Tu l'as coupé, c'est pour ça que j'étais sur mon téléphone. Puisque... D'accord, ok, y'a pas de soucis. Allez, de toute façon, ton micro, oui, même si je fais comme ça, et tu pourrais croire qu'il est allumé, sauf qu'il est éteint là par exemple. Donc il faut pas se fier à ce que tu vois. Je peux baisser. T'avais baissé le son. Je peux baisser le curseur, il peut quand même être actif. Mais donc, quand tu baisses le son, t'as beau avoir un micro allumé, on n'entend pas si. L'antenne. Si, je peux avec la console l'activer sans même que le curseur soit, okay. Soit allumé. C'est mon direct. Nous sommes en direct. Voilà, je vous explique la technique parce qu'il pousse un coup de gueule qui sert à rien. Donc je m'entendais pas dans le casque alors. Oui, je peux le mettre plus fort, mais ça va pas faire plaisir à tout le monde étant donné que tous nos casques sont branchés sur le même machin. Donc voilà. Bienvenue à la technique d'Hilar FM. 20h-22h avec. Il y a des jingles qui partent tout seuls, ouais. Cette soirée, dis donc. Apparemment, c'est impossible de nous entendre en direct, même sur la FM, même sur le site. Donc. Ah bon, tu diras à cette personne-là qu'elle se trompe. Nous, en tout cas, nous sommes en direct. J'espère que ça vous plaît. On reçoit des SMS, je vais les lire dans quelques instants. Ce qui est le plus important, c'est que vous êtes à l'écoute de cette toute dernière émission. Je suis très content de pouvoir la passer avec vous, car c'est quand même un privilège qu'on a de vous avoir eu durant un an en direct. Cette espèce de lien, cette proximité qu'on avait, cet échange avec les auditeurs, c'est quand même quelque chose que tout le monde n'a pas. Et donc, on doit parfois reconnaître quand même que c'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir. Et bon, s'il faut le répéter, on le répète, merci à vous. Vous êtes dans la dernière de Jadoul, il est 21h42, la cassette de Jadoul, on va vous la faire réécouter comme ça vous pouvez la deviner. Plus 32 49 9 15 75 si vous voulez nous parler de quelque chose. Nous sommes en direct jusqu'à 22h10, vous êtes une très belle soirée. Écoutez le 20h-22h avec Jadoul. Alors, il est venu le temps de... Des cathédrales. J'ai hésité à la faire. Le pire, c'est que je vais pas vous gronder parce que j'aurais pu faire la même. Donc, il est venu le temps d'appeler quelqu'un qui va nous rendre service à tous les trois. Je parle bien évidemment d'une orthophoniste. Non, pas ça, merci. C'est parti, on en appelle une qui se trouve du côté de Herstal. C'est parti. Elle va pouvoir peut-être nous aider. Allô, bonsoir madame. Allô. Oui, je ne vous dérange pas, vous m'entendez bien? Qui est-ce? Nous sommes en direct à la radio madame. Pardon? Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur Hilar FM, là, à la radio. Ça me semble bizarre. Ça vous semble bizarre parce qu'en fait, ce soir, c'est la dernière de notre émission et on a un petit problème, c'est qu'on a des problèmes d'articulation, d'orthophonie en soi. Et donc, on s'est dit qu'on va peut-être appeler quelqu'un spécialisé dans le domaine, voir si on peut pas avoir un petit conseil pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de l'émission. Voire moins. Bon, on n'a même pas bu. Mais à part ça, vous n'avez pas de petits conseils? On n'ira pas chez elle. Donne le nom comme ça. Je vais pas donner le nom. Mais la madame a peut-être cru que c'était une barbe. Bon, je vais pas la rappeler parce qu'elle était pas du tout drôle. Mais c'est pas grave. Au moins, vous savez qu'il faut pas aller du je côté sais de Herstal. Pourquoi on a toujours les gens super grognons? Mais oui. Tu vois déjà des gens comme ça dans la vraie vie ou pas, toi? Moi, j'ai jamais vu. Jamais vu quelqu'un dans la rue. Bonjour madame. Oui, bonjour, c'est pourquoi. Non, ça n'existe pas. C'est Chantal là-dessous. Ça, c'est. Il y a juste elle. Tu aimes bien Chantal là-dessous? Chantal là-dessous. Moi, j'aime bien. Ah, il connaît. Non, mais elle, elle est. Elle est énorme. Ouais. Allez, on en appelle un dernier, voir s'il y a moyen d'être plus sympathique du côté de Herstal. Bourg. Non. Non, plus Herstal, ils sont pas gentils, ces gens-là. Non, Herstal, je pense qu'ils sont piqués par la mauvaise humeur. Ça fait deux fois qu'on appelle dans cette région-là, deux fois qu'on se fait rabâcher. Donc voilà, ils sont toujours sympas du côté de Liège, Charleroi et tout ça. Là, c'est. Bourg, c'est du côté de où ça? Près de Wallin. Près de Transine. Ah, je vois pas du tout où c'est. Ouais, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Ah. Pour connaître le numéro. D'accord. Toutes les villes que t'as dit, moi je. Ah oui, je me suis trompé d'un numéro. Redu, c'est la ville de Livre. Ah ouais, toujours pas. Ah. L'Eurospace Center. Ah, ah ok, d'accord. oui, bah oui. Suffisait de dire ça. Ah, mais c'est pas loin tout ça alors. Ah oui, d'accord. Bienvenue sur Google Maps. Voilà. Allez, on appelle le numéro là. Cette fois-ci, je pense pas que je me suis trompé parce que je fais le standard en même temps en direct. Bienvenue sur. Oh là là, directement la messagerie, mais c'est pas drôle ce soir, qu'est-ce qui se passe? Son téléphone est éteint. Ouais, y a aucun orthophoniste qui veut bien nous répondre, c'est non, quoi de ça? C'est normal, c'est normal. C'est dommage. Mais en même temps, ils ont trop de travail avec nous. Hein. Trouble articulatoire, c'est pour nous. C'est pour nous. Allez, merci. Je suis le chameau en direct, c'est normal. Le chameau? Oui. Le chameau, d'accord. J'aurais bien le jour où tu vois un chameau qui fait. Ça fait comment le chameau? Ça blatte. Non, ça blatère. Quoi? Tu connais. Non, je sais pas. Non, le chameau, ça fait. Enfin, je sais pas comment ça. Ça, c'est les chevaux, ça. Oui, aussi, mais. Je sais pas comment. Je sais pas quel mot c'est. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Bah oui, je sais pas. Pourquoi on parle de chameau? On sait pas, tu sais, il se passe tellement de choses. Allô? Allô, bonsoir, madame, on ne vous dérange pas? Non. Nous sommes en direct à la radio sur Hilar FM au moment où je vous parle. Oui. Voilà, en fait, on fait la dernière de notre émission. On est en train de fêter la dernière de la saison. Et on a un petit problème ce soir. On est frappé par des gros problèmes d'articulation. Et donc, on se demande si on pourra finir l'émission jusqu'à 22h. Oh là là là là là là là là. C'est une blague. La dame a peut-être cru que c'était une blague. On va la rappeler. On va lui expliquer calmement que ce n'est pas une blague. Car c'est vrai que ça peut paraître louche. Ah, ça fait mal aux oreilles, ça. Ouais, c'est affreux ce petit bruit là au début. Faudrait qu'il retire ça. Oui, allô? Bonjour, vous êtes bien sur la okay. Message. Là, bonjour. À chaque fois, moi j'ai le coup. Bonjour. Mais oui, c'est. Ah, purée. Un jour, j'appelle. Franchement, une dame. C'est super. Si moi j'essaye, tu crois que ça marcherait ou pas? Oui, attends. Merde, voilà, j'en avais une, mais elle vient de fermer. J'en prends un dernier. Dis pas que t'es à la radio tout de suite, peut-être, non? Bah, c'est bizarre en fait, qu'un patient téléphone à 10h. Oui, voilà, 10. C'est surtout ça. Ah, il est déjà presque 22h en plus. Mm-hmm. Ah, ça passe vite. 10h moins 10. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est déjà presque la fin en fait. Ah oui, non, mais dans 20 minutes, on plie bagage. Hein. Ah, on s'est toujours pas rattrapé. Faut qu'on relève le niveau là, on a 20 minutes. Ouais, on a 20 minutes. Le diesel, il prend du temps à monter. Le diesel. Ah, t'as un diesel alors? Oui. Mais il a dit tout à l'heure. Oui, mais c'était hors antenne donc. Ah oui. Non, je l'ai aussi dit au début de l'antenne. Ah, c'est vrai? Oui, tu suis ton émission? J'ai des gens qui me perturbent alors finalement, je peux pas te suivre. C'est comme toi, il relie les mêmes feuilles, tu sais. Je tourne en boucle. Voilà. Bon, dernière entreprise qu'on va appeler pour l'orthophonie. Essayez en France, peut-être. Ouais, peut-être en France, au pire, si ça répond pas. C'est peut-être plus sympa. Mais peut-être que des conseils locaux, ça nous aidera. Allez. Attends, peut-être pas la réponse. Vas-y, dis. Allez. Eh ben, dis donc. Les orthophonistes dorment tôt pour pouvoir articuler toute la journée, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est la vraie excuse, mais. D'ailleurs, la première n'articulait pas trop bien. Bonjour. Ouais, bonjour, voilà. J'allais rappeler de nouveau à Bourin, mais on va peut-être éviter. C'est peut-être des Bourins, là. Pouah, on devait relever le niveau, Terence. Qu'est-ce que tu nous fais? Je suis désolé. Et lui, il dit plus rien. Il est en mode stand-by, là. Il a abandonné. Il a dit, bon, bah, c'est fini aujourd'hui. Je pense qu'on relèvera pas le niveau. Bon. Après, ça veut rien dire. Regarde la Belgique contre le Japon. Oui, c'était dingue le match. J'en ai parlé avant que tu arrives. Incroyable. C'était juste dingue. Je suis arrivé moi juste pour la fin. Je trouve ça même triste pour le Japon. Ils auraient pu gagner. Ils auraient dû gagner. T'en as pas parlé. Si, on est par la l'antenne. Oui, mais pas du Japon. C'est contre le Brésil, mais c'est pas grave, Thomas. Ah oui. Ah oui. Frère, il suit un truc de dingue là. C'est le, tu sais que t'es le seul chroniqueur qui fait ça. Mais c'est mieux justement. C'est pour ça qu'on l'a engagé parce que il suit. Ouais. Allez. Non, le Japon aurait dû gagner. Le Japon aurait dû gagner. Je trouve. Franchement, je trouve. Même si je suis belge, franchement, faut avouer que le Japon, ils avaient tellement donné, ils étaient tellement bons que. Oui, mais bon. On a vraiment eu de la chance, quoi, disons. C'est pas plus mal que la. Ils méritaient pas de s'arrêter faut là. Pas se poser de sushis. Ah oui, d'accord. Mais en même temps, les Japonais ils charbonnent toujours pour tout, quoi. C'est vrai. Où suis-je? Oui, allô. Oui, allô. Bonjour, madame. Bonsoir. Oui. Je ne vous dérange pas? C'est qui? Nous sommes en direct à la radio, madame. Je vous dérange? Ah ouais. Abandonne. Je vais abandonner. Je vais rappeler des numéros hors antenne, en fait. voilà, ça va être plus simple. Mais la dame, à mon avis, pris de panique, elle a fait « Oh, c'est une blague, j'ai peur !» C'est souvent comme ça. Hein. Généralement, les gens, ils ont peur que ce soit une vanne ou quoi. Ouais, oui, j'ai pété l'oreille de quelqu'un. Il y en a plein qui font des blagues en faisant croire qu'ils sont à la radio et tout. Donc Oui, c'est ça le problème. En fait, il y a des gens qui nous volent notre boulot. Donc du coup, je vais demander à tous ceux qui font des vannes comme ça dans leur coin, dans leur chambre, en disant que c'est la radio, d'arrêter. On n'a plus de boulot, sinon nous, après. Je vous demande de vous arrêter. Oui, je l'ai pas là sous la main, donc. Le temps que je trouve, il faudra meubler 6 fois. Enfin bref, ça va pas aller. Allez, j'espère. Et le jeu des 5 mots alors? Mais le jeu des 5 mots, il faut qu'on appelle quelqu'un. Mais. Hein, bah on le fait avec toi alors. Oui, bah oui, faites-le avec moi. Vous avez les mots? Ouais. C'est ouais. Vrai? Ouais. Tous? Bah oui. Bah comme toute l'année, je vous embêtais avec le jeu des 5 mots, vous allez pouvoir me le faire. Allez, c'est parti. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Je suis prêt, j'ai lancé les 30 secondes, c'est d'abord de Terence Bernard. C'est parti. Il y en a 4 dans un an. C'est en rapport avec le temps. Les saisons. Ok, bien. Facebook, Instagram et... Réseaux sociaux. Non. Twitter. Le petit truc jaune. Snap. Bien. Quand je suis en voiture, je suis en... Quand je bouge. Libre. Le fait de bouger. Ça finit par en. Déplacement. Bien. Maintenant, allez... On a le matériel du studio. Du. Un peu. Pour dire que c'est un matériel un peu nul, on dit. C'est vraiment le matériel du. LED. Ouais, bien. Allez, bah voilà. T'as les 4. Ah, c'est gentil ça d'ailleurs pour le matériel. Non, mais en fait, tous les mots que j'ai marqués là, c'est les mots qu'on a dit à l'antenne en fait. Oui. C'est des trucs qu'on a dit pendant la journée. Donc je me suis dit, je vais marquer celui-là, j'ai marqué celui-là. Il m'en manque un, donc on part pour 10 secondes. Ben non. Ah, j'étais tous dit. Ah mince, j'en ai. Non, c'est vrai que j'en avais 4, donc je vais improviser. Ok, c'est bon. Voilà. Vas-y. Sur le visage, on a plein de. Boutons. C'est. Voilà. Stop. Ok. En fait, c'est un jeu des 5 mots spécial sympathie. C'est ça. T'as pas vu le lien. Ah, le tien doit être très sympa. Non. Alors. Lui, il en a marqué 10. Non. C'est le jeu qui va peut-être causer la fin de carrière de Johan. Il va peut-être être très méchant dans ce jeu. Non. Non ? Non. Ah, bah alors ça va, on y va. Changement d'ambiance. Alors, on peut en faire de citron ou d'orange. Des gâteaux. Des petites lamelles de citron ou d'orange. Oh merde ! Zeste. Oui. Oh. Alors, ça part de l'adolescence. C'est là. Crise. Adolescence. Non, dans l'adolescence, c'est qu'on a plein de boutons, des poils et tout ça. Alors, la puberté. Oui. C'est spécial. Ce qu'on a consommé avant de dire qu'ici. Beaucoup d'alcool. Oui, d'alcool. Les gens vont y croire. Hein. Quand tu éjacules trop vite. Mais dis-le-moi, sinon t'as perdu. Johan a été un peu précoce dans ce jeu. Et malheureusement, il y avait d'autres. Il y avait d'autres mots peut-être, des synonymes. Oui, mais j'ai pensé à toi du coup. Tu sais qu'il y a... Je sais pas comment le prendre. Thomas, tu le prends pas? Il en reste encore un? J'adore son. On parle dedans. Attends, j'ai pas encore lancé le chrono. On parle dedans. Dedans? Dedans. De la mer? Non, là on parle dedans. Là maintenant. Ah, des micros? Oui. J'ai cru des dents, la dentition. C'était le dernier? Oui. Donc j'en ai réussi aucun des deux, moi. En fait, j'étais trop short au niveau des temps, donc voilà, bon bah j'ai perdu. Bah non, le mien t'as réussi. Ah oui, vu que t'en avais, il t'en manquait un. Hein. Donc en quelque sorte, c'est réussi, mais c'est le jeu des 4 mots, alors en ce moment-là. Non, bah avec le bouton, non? Bah non, vu que j'ai ajouté 10 secondes. Ah bon? Bah ouais, 2 secondes quoi, ça va. T'as plus, ouais, t'as plus gagné avec moi que lui, vas-y, dis-le. Mais non, au final j'ai perdu, donc c'est moi le loser dans l'histoire. Donc finalement je termine l'émission sur une fausse note, c'est quand même dingue ça. Rah, c'est juste incroyable. On l'a commencé sur une fausse note de toute façon. C'est la crotte sur le gâteau. Cette émission est une fausse note, vous avez pas encore compris ça? Non, oh là là. Pas habituellement. Pas habituellement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, niveau conneries, on était plutôt bon. Je pense qu'on n'a jamais eu une émission autant décousue. Revenez demain dans tous les sens. Non, demain on n'est plus là. C'est pour ça que je dis revenez demain. Ben non. Aujourd'hui c'est rideau. Écoutez les studio après. Les podcasts. Allez, pour ceux je vous souhaite une belle soirée. Nous sommes en direct et dans quelques instants, voilà, dans quelques minutes, ça va être la chronique de Terence Bernard. Ça va être dingue. On se retrouve dans quelques instants en direct. Écoutez les amis, maintenant c'est le Money Time. Tout se joue là-dessus. On est parti pour les 10 dernières minutes d'émission, les 10 dernières de la saison. C'est complètement dingue. On va faire la chronique de Terence là maintenant tout de suite. Mais d'abord, je vous fais réécouter la cassette parce qu'elle est vachement tordue. Même Johan, qui est ultra calé en culture musicale, il a pas trouvé. T'as même pas une idée. Non. Ben on va la réécouter. C'est parti. La cassette à Jadoul. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Voici la cassette que je tente de vous faire deviner aujourd'hui. Tirage au sort à 22h08 précisément. Bonne chance. C'est qui a arrêté la cassette? C'est moi, parce qu'il y a des regards qui se sont lancés dans ce studio en mode « je reconnais peut-être ». Je trouverai pas, mais ça me saoule, je te jure. Franchement, ça, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, ça m'énerve. D'accord, eh ben, ça te dit quelque chose, quoi. Hein. L'air, oui, bah oui, évidemment. Allez, voici tout de suite en direct la chronique de Terence Bernard, tout simplement. Je t'écoute, bienvenue à toi en tant que chroniqueur. Mais avant de commencer, est-ce que t'as pas des nouvelles de Jean-Michel? Des nouvelles de Jean-Michel? Ouais, ça fait un moment qu'on l'a plus entendu quand même. Oui, bizarrement, ça fait 2 semaines qu'on l'a pas entendu. Ouais, ben, je pense que je sais pourquoi. Moi, je l'ai vu en tout cas sur Bel RTL. Je l'ai entendu et vu sur Bel RTL l'autre fois. Tu peux lancer la cassette? Mais c'est pas une cassette là. Je lance ton son, c'est parti. Ouais. Vous écoutez Bel RTL. Bonjour Jean-Michel. Comment ça va les amis? Ça va et vous? Bel RTL, c'est tout vu. Jean-Michel Zeka. Voici Jules, le porte-parole des auditeurs. À 11h31, mesdames et messieurs. Faites très attention à ce que vous allez faire. Oui, eh oui. Non, eh non, oui. Faites très attention. Je sais. On va parler de vous, Jean-Mimi. Jean-Michel, bon, c'est des années de boîte, hein, Jean-Michel Zeka. Attention, une présence quotidienne. On va en reparler dans un instant, d'ailleurs. Un nom. Presque on a une pas marque. Un problème de micro. Presque une marque. Ouais. J'ai l'impression qu'on l'entend pas. Il y a un problème de micro, c'est moi ou? Allô? Allô. Ah oui, d'accord, donc Jean-Michel Zeka a imité un peu. Ah bah non, il était pas là. Donc il a imité en fait le Jean-Michel qu'on avait ici dans cette émission. Ouais. D'accord, ouais. Ah bah voilà, belle observation. Mais sans même le vouloir en fait, ça m'a fait rire. Voilà, c'est un petit hommage involontaire de leur part, et voilà. Et c'est fou quand même le... Allô, tu sais, vraiment comme allô, comme le vrai Jean-Michel. Ouais, le vrai Jean-Michel, ça aurait ressemblé à ça. Allô. J'arrive pas à le faire parce que bon bah c'est tout un entraînement. J'ai pris des bières. Non, je le fais pas bien. Oui, on n'aura pas sa relève tout de suite, quoi. Ouais. L'accent belge, tu le tiens comment, Johan? Je le tiens pas. Je l'ai lâché. Non, je l'ai appris hier à Bruxelles justement. Quoi? Attends, je l'ai appris hier à Bruxelles, pas comme ça. Quoi? Bah quoi? Bah, y a quoi de choquant? Bah donc tu le tiens. Non. Ah donc vas-y. Mais ça fait un jour. J'ai déjà oublié moi en un jour. Non du tout. Mais tu sais, le jour où tu reçois ton permis, tu peux rouler. Oui, je sais ça. Ah oui, bah oui, mais donc. Wow, pardon. Mais quel rapport? Ah, mais ça veut dire que si tu as appris comment faire l'accent, tu peux le faire maintenant. Oui, mais ouais, bon, je vais acheter dans une poubelle parce que c'est. Je vais acheter dans une poubelle. Non. L'OGB du coin, quoi. Je vais acheter une canette dans un magasin. Voilà. Ok. Bah, si vous avez trouvé l'accent qui limite. C'est bien. Jacques Gédance, bonjour. C'est pas grave. Bienvenue sur Instance Gédance. Instance Gédance. Instance. Instance Gédance. On n'a pas eu d'orthophoniste, c'était dommage quand même. Hein. C'est vraiment dommage. Non, je le rame, là, je rame. Là, il rame, là, en ce moment, il a sorti les mains, il est en train de nager. J'ai sorti les rames. Oui. T'as dit les mains. Oh, je sais pas. Tu nages pas. Bah, tu peux nager avec tes mains. Oui, on peut nager avec ses mains. Regarde, Terence, il a été toute la journée dans une piscine. Mais je rame pas avec des rames. Oh, tu m'embrouilles les cerveaux là. On est samedi soir, ok, les examens c'est fini, l'école c'est fini, on est en vacances, on se prend pas la tête, alors arrête de m'énerver s'il te plaît. Je vous demande de vous arrêter. Faudrait que je le garde sous la main quand même ce son. Bah, elle est dit tout le temps en fait. Ah tiens, on va appeler une dernière logopède, une dernière orthophoniste pour savoir s'il y a quand même pas moyen d'avoir des conseils en cette fin de saison. On va voir dans un autre pays peut-être. Non ouais, en je France, sais pas. Quoi. Au Québec ils sont sympas, c'est des gens bien. Au Québec. Ah, je te jure. C'est vrai qu'ils répondent. Ouais, mais si c'est eux qui doivent nous apprendre à articuler, je pense pas que ça va. C'est pas vraiment comme ça que t'articules, tu sais. Ah, il le tient bien. Non, mais en tout cas, moi j'adore les Québécois, je suis resté avec quelqu'un qui parle Québécois. Ils sont géniaux. Oui, ils sont très marrants. Ouais. Enfin, on se moque pas d'eux, hein, évidemment, mais je veux dire, ils ont un accent qui est atypique et qui fait rire quand même. C'est parti, on appelle une dernière orthophoniste. Que la chance soit avec nous. Mais décidément, bah, il est 22h07. Hein. C'est un portable, quoi. C'est pas des fixes. Imagine si c'est quelqu'un qui a une urgence. Et... Bonjour, vous êtes bien sur le GSM. Le GSM. Là, on voit qu'on est en Belgique, bon. Vous voyez. On est sur le GSM. Bon, GSM. C'est ça. Tu dis GSM, toi, Johan, ou pas? GSM. C'est vrai que... Okay. D'accord. Moi, c'est un mot qui obsolète. Pas du tout, obsolète. Il n'est pas du tout dans mon vocabulaire. Je sais pas pourquoi j'ai jamais accroché au mot GSM. Je suis à la porte sur ton GSM. Ça me rappelle un personnage. Ça fait, pour moi, un GSM, c'est les Nokia. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non, mais vas-y. Je dis, pour moi, un GSM, c'est les Nokia 3310. Moi, c'est les vieux téléphones, quoi. Oui. Je sais pas pourquoi. Je prends mon smartphone. Ouais. Mon iPhone. Je prends mon téléphone. Moi, je dis comme ça. Au début, je m'énervais parce que quand les iPhones sont apparus et que tout le monde était là, écoute, je te téléphone depuis mon iPhone. Ouais, mais tais-toi. J'ai un Samsung, un Nokia. Trois marques citées, vas-y. Ouais, ben j'en ai cité trois, je suis bon, moi. Ouais. Allez, bon, ça au moins, c'est fait. On aura pas donc de comment il s'appelait, comment, Nestor, non, Raoul, les fêtes d'aujourd'hui, on va pas les refaire jouer au jeu des 5 mots puisqu'on n'a pas le temps. Voilà, on est short niveau du temps. Non, on va atteindre bientôt les 1h d'émission, donc c'est les dernières minutes d'émission. Je rappelle la cassette de Jadoul, jouez pour la gagner. Il y a les derniers cadeaux, on les déstocke là, étant donné qu'on sait pas si on revient l'an prochain, on déstocke tout le stock de cadeaux. Il reste des albums, il reste encore quelques compiles. Je peux juste préciser les autocollants de l'émission. Pour ceux qui nous écoutent, le match Russie-Croatie, ça fait 1-1 pour le moment. Donc, ils sont en prolongation. Enfin, voilà. Les Russes, de toute façon. Ah oui, non. Mais ils sont chez eux, donc franchement, moi j'ai peur. Non, vraiment, s'ils gagnent la Coupe du Monde, moi je dis Poutine est derrière quand même. Hein. Non, vraiment, lui c'est un vicieux. Déjà qu'en 98, les tableaux de la France ont été truqués. Un des joueurs français l'a avoué. Donc, on va avoir une visite en hélicoptère de Poutine. Après le nazisme, voici la Russie. Évidemment. La Poutine. On aura, je pense, beaucoup d'ennuis à la fin de cette émission. Bien, on réécoute une dernière fois la cassette et on va vous la faire gagner tout de suite, maintenant, avec un tirage au sort. Voici, pour la dernière fois, la cassette de ce 7 juillet 2018 dans cette dernière émission. C'est parti. Top. C'est qui a arrêté la cassette? Tout simplement, on vous bloque les réponses dans 2 minutes, précisément, ou quoique, bah, je... Eh, écoutez, je les bloque maintenant, c'est terminé, on fait le tirage au sort, c'est parti, on lance le standard. Top! Aucune personne n'a trouvé la bonne réponse au standard. Il faut dire que c'était très compliqué. C'était très compliqué. C'est un groupe qui a sorti cette chanson-là le 18 juin 2018. Ah oh, ouais. 2017, pardon. Même la date, quoi. Ouais. Ils ont sorti le clip de cette musique le 18 août 2017. Et leur album est sorti le 13 septembre 2017. Ah, le jour de mon anniversaire. Ah, bah tu vois, il n'y a pas que des bonnes nouvelles ce jour-là. Je ris. Allez, voici tout de suite le titre qu'il fallait deviner. Donc vraiment, aucune idée ici autour de la table. Ça, moi, ça me fait penser à une série peut-être, non ? Le générique d'une série ou d'un film ? D'une série, non. Bon, bah j'ai pas le choix. C'est parti, on va écouter le titre. En tout cas, je vous remercie d'avoir joué. Vous avez été quand même assez nombreux, une bonne vingtaine, donc c'est déjà bien. Au moins, vous jouez avec nous, c'est le plus important. Bon. Je sais que là c'est les dernières minutes d'émission, juste après la musique on se dit au revoir, c'est ça qui me perturbe un peu, qui m'attriste car voilà, je ne vous aurai plus durant les vacances, c'est ce qui va me manquer, ce contact avec les c'est auditeurs. Indochine. C'est une bonne réponse de Terence Bernard. Juste avant qu'ils le disent quoi. Juste avant. C'est Indochine, La vie est belle, c'est le tout premier titre qu'on a diffusé dans cette émission quand on a commencé cette saison. Je vous souhaite une très belle soirée, vous écoutez Jadoul en direct. Merci d'être là. Je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Comme quelqu'un qui te sera et dont on parlera. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Je serai quelqu'un qui sera. La vie est belle mais cruelle parfois. l'instant sur Ilar FM dans Jadoul pour la dernière histoire de clôturer cette émission comme on l'a commencé, sur cette musique pleine de signification et de symboles. Je tiens à faire mes remerciements, je vais les faire maintenant sinon après je vais les oublier. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette émission. Je vais remercier tout d'abord Curtis avec qui j'ai lancé ce programme, avec qui on a testé, on s'est embarqué dans un truc complètement flou, on savait pas si ça allait continuer, finalement ça a beaucoup plu, on a contribué. Très incertain et assez flou. Oui, voilà. Et je remercie tous les gens qui ont participé de près ou de loin à cette émission. Je pense notamment à Antoine, je pense notamment à Valentin et à tous les membres de l'équipe, surtout en particulier ceux qui se sont rendus disponibles même quand ils n'auraient pas pu l'être. Je remercie en particulier Joanne qui est venue là pour ces deux dernières émissions. Je remercie Théance pour les folies que tu as faites et pour la fois où je pense tu allais perdre carrément des parties de ton corps lors de la grande fouille. Et donc, voilà. Pour moi, j'ai pas perdu mes chaussures, quoi. Oui, oui, mais non, tu pouvais pas, tu les avais pas. Oui, c'est pour ça. Voilà, je tiens à vous remercier, merci beaucoup. Claire Chazal, de toute façon, elle le dit mieux que moi. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. C'était une aventure de dingue. Le mot de la fin, Terence Bernard. Moi, je veux pas que ce soit la fin. Je veux pas faire le mot mais de la fin ne dis parce pas que adieu. Ouais, ben il y a intérêt. Là, c'est la fin de la saison, mais j'espère vraiment qu'il y aura d'autres saisons parce que franchement, moi, je me suis plus de fou ici. Ouais. Il y a des émissions que j'ai fait qui étaient peut-être pas super, qui étaient bon, peut-être comme aujourd'hui, mais bon, soit il y a eu des émissions qui étaient vraiment bien aussi, dont j'étais très fier. Ouais. Voilà, j'ai appris beaucoup ici et ça me sert même en dehors de la radio, donc franchement, je te remercie toi aussi. Merci beaucoup. Et voilà. Voilà, on va pas se lancer des fleurs non plus, mais voilà, je te remercie beaucoup, Johan. Merci beaucoup et merci à toi de m'avoir procuré l'opportunité d'aller travailler à la radio alors que je suis serveur de base. Merci. Voilà, du monde de loterie, comme quoi il peut arriver dans le monde de l'audiovisuel, c'est aussi ça la magie. Mmh. Voilà, n'oubliez jamais. La vie est belle, aussi belle que toi. Allez, c'est le dernier générique de fin, je vous jure, je suis ému, je tremble. Merci de nous avoir suivis, c'était une belle saison qu'on a passée ensemble sur Ilar FM. Je vous souhaite une très très belle soirée et on se retrouve très bientôt ailleurs peut-être. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour savoir. Il est exactement 22h19, merci de nous avoir suivis, à bientôt.